Beyoncé à l'instant sur Fun Radio, l'excellent son de Beyoncé avec Love on Top. Il est 6h24, bonjour et bon réveil tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin. Nous on est en forme, dernière semaine avant les vacances, ça fait plaisir. Donc pour nous, dernière semaine de boulot avant le nouvel an. Donc voilà, plutôt bel esprit. Julie, t'es en pleine forme? Mais oui, en méga forme, maintenant ça y est, il neige, c'est l'hiver. Ouais, ça y est. Ouais, mais alors rassure-toi parce que dans 3 jours il fait de nouveau 12 degrés. Donc là on sera de nouveau au printemps. Dans 7 jours il fera 25 degrés pour moi. Oui, bah attends, parce que avec ton bol, il va pleuvoir. Hein. Oh non. Il va faire bien. Ouais, mais il fera chaud quand même, tu vois, oui, même s'il vrai. Pleut. C'est vrai. Pour votre info, elle part en Islande. Hein, donc non, voilà, c'est pour ça, elle espère qu'il va faire tout. Beau. Je comprends pas très bien son délire, mais voilà. En tout cas, elle va bien s'éclater avec les ours et tout, ça va être top. Ah ouais, j'adore les c'est ours. C'est ça qui va lui tenir chaud. Exactement. Bon, toi, va bien aussi? Écoute, toi, va très très bien. Bon, il a pécho samedi à Charleroi pour les 20 ans de fun ou quoi? Plein de faux numéros. Il a pécho plein de faux numéros. Une folie. C'était la folie. Alors, il faut que je remercie plein de gens. J'ai oublié la moitié des noms, donc je vais pas citer. Mais voilà, je remercie tous les gens qui sont venus, qui sont venus nous voir là-bas. Voilà. Il y a juste Claudia, je crois, qu'il fallait que je te dise qu'elle te disait qu'elle écoutait avec son fils. Voilà, je. D'accord, bah écoute, c'était on embrasse bon. Claudia et puis on embrasse tous les autres aussi. Celui qui a gagné également le voyage aussi, tout frais payé, transport et hébergement pour le sud de l'Espagne. Qui est revenu me voir et me demandait où c'était. Alors je lui ai dit que moi je ne savais pas, mais que toi sûrement. Ah bah écoute, il m'a pas contacté, mais bon voilà, c'était le sud de l'Espagne. Voilà, donc en tout cas, on s'est bien marré, on a mis toutes les photos et les vidéos, on les a uploadées sur le Twitter de Fun. Donc si vous voulez aller les voir, bah n'hésitez pas, hein, vous tapez Fun Radio sur Twitter, vous nous rejoignez comme tout le monde. Et sinon, la fin de la soirée était rocambolesque. Ah bah j'imagine. Enfin bref. Bon, en tout cas, on s'est bien marré ce matin. Il y a pas mal de choses qui va se passer. Calunar évidemment, spécial Noël. Spécial Noël, puisqu'en fait, je ne sais pas quoi faire pour Noël, donc je vais m'inviter un petit peu. Ah bah c'est ça. Donc c'est le thème de la semaine ou peut-être pas de la semaine, bon, mais en tout cas pour aujourd'hui. Moins pour aujourd'hui. Bon. Mais peut-être que si cette semaine, je vais essayer de m'inviter chez des gens. L'invitation à Noël, mais c'est normal. C'est l'esprit de Noël. Il faut rester open. C'est normal. C'est normal. Et puis. Voilà, moi je suis tout seul, je ne sais pas quoi faire. Bah oui, mais comme beaucoup à mon avis. C'est ça, comme je n'ai eu que les numéros de la ligne anti-relou hier. Bon. Donc avant-hier. Parce qu'il y a ce dimanche soir. Bon, ouais, enfin moi la soirée s'est terminée à 10h. Donc je vais dire, il a sûrement fait. 10h du matin. Bel after. Enfin, bon, il y aura la ligne anti-relou justement, il y aura peut-être Toff plusieurs fois dedans d'ailleurs. 0473 86 0013. Nous aurons également cette semaine des écrans plats à vous offrir. Il y aura des écrans plats ou alors des appareils photo numériques. Et puis, il y aura la devinette qui colle, ça sera tout à l'heure. On aura le free code game aussi. Et puis, avec quoi s'est fait réveiller Mickaël ce matin? Eh bien avec ça et je m'en suis pas remis, c'est pour ça que j'ai encore les poches sous les yeux et tout, c'était très très dur. Hein. C'était. Faut me trouver le nom du chanteur, enfin les deux chanteurs. C'était d'une violence. Je me dis c'est pas possible, je suis dans un autre monde. C'est pas mal, c'est. Pourquoi est-ce que je suis resté bloqué dans les années 80? Il y a donc une radio qui passe ça encore. Hein. Oh c'est bon. Ah ouais, non, mais ça c'était qu'est-ce très bien. Allez, viens, Julie, on danse. Ouais. Je ne sais même pas ce que c'est. Mais si, écoute. Si, écoute. Si vous avez une idée, il y a des écrans plats à gagner. Hein. Bonne chance. Hein. Sauf, il en peut déjà plus. Ah, lui, au taquet, lui. Voilà, non, c'était une. Oh, enfin bon. Mais oui. Je connais pas moi ça. Mais si tu connais, pas ça, Julie. Bah non, attends. Mais si tu connais, arrête un peu, t'as ça à fond de bas dans la polo. Bah bien sûr. Bah ouais. On s'est connus. Et nos stagiaires sont pas là, ils sont où, Max et Seb là? Alors Max, il est dans le bureau, il est en train de finir. Enfin, il travaille quoi, d'accord. Et Max il finit le blind test et Seb il finit Koh-Lanta. D'accord. Et puis Lob est en retard. Bon bah très bien. Bon, enfin ça c'est. Voilà. Bon, si vous avez une idée, hein, quelle est cette magnifique chanson avec laquelle je me suis fait réveiller, c'était dramatique. 63-22, il y a des écrans plats gagnés ou des caméras vidéo numériques. Allez, le refrain, c'est pour moi, c'est moi qui régale. Allez, Julie. Ah oui, d'accord, ok, oui. Je vois ce que ça va maintenant. Ouais, au cas où, voilà, c'est des fois que tu trompes d'un reste. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Bon, il précise quand même qu'il part en vacances. Hein. Ah non, c'est en avance, pardon. Voilà, si vous avez une idée, quelle est cette magnifique chanson qui m'a réveillé ce matin? Si vous avez la bonne réponse, c'est deux chanteurs. Hein. Oh là là, deux belles têtes d'ailleurs dans les comment années 80. C'est possible, je sais pas, mais. Juste comme on parlait de Love, je voulais savoir, il était où samedi? Il était resté à Liège parce qu'il y avait trois flocons donc il n'avait pas rebougé. Voilà, donc il n'est pas venu, effectivement. Enfin bon. Voilà, 63-22, écran plat ce matin à gagner. Il y a des écrans plats ou alors tout simplement des caméras vidéo numériques. Je vais y arriver. Ouh là là, ça va être dur ce matin. 6h28. Allez, bonne chance tout le monde. On s'est réveillé par ça. Mais je te confirme. Bonne chance tout le monde. Et puis dans un instant, on va s'écouter Jim Classio sur Fun Radio avec Stereo Hertz. Mickaël à la radio. Fun. Tous les matins. tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Est-ce que tu viens pour les vacances? On devrait mettre ça sur Fun. Je suis sûr qu'on a une carte à jouer là. Oui, on gagnerait d'autres auditeurs. Ouais, et on en perdrait beaucoup d'autres aussi. Certainement. Allez, 6h29, c'est l'heure de passer à l'actu maintenant. Oui, je rappelle également que pour nos amis luxembourgeois, vous pouvez jouer au 621-783-605. L'info maintenant, c'est avec Julie. Bonjour à tous. Sans surprise, Philippe Gilbert a été élu sportif de l'année pour la 3e fois et Kim Clijsters élue sportive de l'année pour la 8e fois. À 29 ans, Philippe Gilbert a récolté la majorité des votes. Il est accompagné sur le podium des frères Borlée, Kevin termine en 2e et Jonathan 3e. Jacques Borlée a quant à lui été élu entraîneur de l'année. C'est la première fois que ce trophée était décerné. Toujours en sport, football en 18e journée de championnat. Hier dimanche, le Standard et Gand se sont quittés sur 0-0. Aude Heverlee Louvain a battu FC Bruges 3-0. Anderlecht a battu In Extremis Lokeren 3-2. Et le Cercle de Bruges s'est incliné face à la Gantoise. Carton plein pour les commerçants hier. Vous étiez nombreux à faire vos derniers achats de Noël, ce qui a un petit peu renfloué les caisses et des magasins après une année difficile. On a compté 1 850 000 transactions financières uniquement pour la journée d'hier, soit 8% de plus que 8 jours plus tôt. Journée difficile encore pour les Liégeois. Pierre, le jeune adolescent tombé sous les balles de Nordine Amrani, sera enterré aujourd'hui, tout comme Antonietta, la femme de ménage du tueur. Et puis Orlando Leblon, le parent du petit Gabriel, 17 mois, qui a été appréhendé samedi après les funérailles du bébé, a été déféré au parquet de Liège. L'homme a réintégré hier la prison de Wi, d'où il s'était échappé. L'opposant congolais Étienne Tshisekedi, battu à la présidentielle en République démocratique du Congo, se considère toujours comme le président élu et veut prêter serment vendredi. Battu par le sortant Joseph Kabila, selon les résultats officiels qu'il conteste, Tshisekedi a demandé aux Congolais de garder leur calme et leur sérénité. Le scrutin du 28 novembre dernier a été entaché de multiples irrégularités dénoncées par des observateurs électoraux et des pays occidentaux. Le président Kabila, lui, doit prêter serment mardi. Autre élection qui pose problème, c'est en Russie. Entre 3000 et 5000 communistes ont manifesté contre les élections et le président Vladimir Poutine. Et puis le président de la Corée du Nord et dictateur Kim Jong-il, dont la santé était réputée chancelante depuis des années, est mort samedi. Son fils Kim Jong-un a été désigné pour reprendre sa succession à Séoul. Le gouvernement sud-coréen était placé en état d'alerte. Il est 6h31 sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde. Dans un instant, c'est Jim Clash Heroes qui arrive avec Stereo Earth. Comme promis, et puis on va passer à la météo maintenant. Quel temps pour ce matin et pour aujourd'hui? Bonne nouvelle, les éclaircies arrivent déjà au littoral. Elles gagneront tout le pays au cours de la journée. Température de 6 à 8 degrés. La pluie est de retour dès ce soir. Demain, il neigera encore sur l'Ardenne et il va pleuvoir sur tout le pays. Très bien, 6h32. Tiens, il y a un message qui donne la bonne réponse et qui dit il passe. Parce que j'ai dit que je pouvais pas me rayer avec Fun parce que ça captait pas chez moi. Et donc j'avais dit que je mettais Classique 21. Il passe sur Classique 21. Non, on a malheureusement la fréquence a changé, je sais pas ce que j'ai voulu, et donc je suis retrouvé sur une radio bien ringarde, comme vous avez pu le remarquer. Voilà, donc qui chante, est-ce que tu viens pour les vacances? Je vous remettrai l'extrait dans quelques instants. J'étais très surpris moi-même quand le réveil a sonné ce matin. Enfin bon, Jim Classy Rose dans un instant, et quelle est l'info en plus? Eh bien, la musique trop forte nous pousse à boire. C'est la assez musique dingue. Trop forte, ouais. D'accord. Donc trop forte dans les boîtes, par exemple, samedi, la musique, en général, elle est quand même assez forte dans les boîtes. Et ben, ça pousse à boire, en fait, selon une étude. Les boissons alcoolisées nous paraissent plus sucrées quand on est dans un environnement bruyant. Et ah donc, ouais. Du coup, ça nous donne encore envie de boire plus. Tu sais bien, quand tu bois une boisson sucrée, ça te donne encore plus soif. Oui, ben c'est ça, c'est le concept du truc. Alors, pour l'étude, 80 participants ont été soumis à 4 niveaux différents de distraction, de zéro perturbation, évidemment, à tout en étant dans la musique la plus assourdissante possible. Eh bien, voilà, on s'est rendu compte qu'ils pouvaient boire de plus en plus, plus la musique était forte. Alors, c'est quand même assez fou, je trouve, le rapport avec. J'aurais jamais cru que le fait d'entendre la musique très fort, ça nous donnait envie de boire plus. Je sais pas non plus, mais bon, pourquoi pas. Après, c'est une étude après à tester. Hein. Dites-nous d'ailleurs comment ça s'est passé. À mon avis, Tof, on pourra le confirmer ou l'infirmer par rapport à la soirée des 20 ans de Fun Radio samedi soir, Charleroi. Je pense que la musique, elle est bien, bien fort aussi. Donc, on verra. Bon, 6h33 sur Fun Radio et on va s'écouter le son de Jim Classy Rose maintenant sur Fun. Est-ce que tu viens pour les vacances? Vous n'avez pas changé de fréquence, vous êtes bien sur Fun Radio. Je le son ringard Flore. Voilà, si vous avez une idée, je me suis fait réveiller par ça. Donc qui chante, il y a des écrans plats à gagner ou des caméras vidéo numériques. 6322 par SMS, c'est 1€ le message. Ou alors pour nos amis Lulu également qui sont là ce matin et bien présents et ça fait plaisir. Ça se passe au 621 783 605. Si vous voulez jouer avec nous, vous êtes évidemment les bienvenus. Voilà, bonne chance tout le monde. Dans un instant, DJ Antoine débarquera. Et puis on va parler de la star la plus vulgaire de l'année 2011. Ladies and gentlemen, eh bien, la Ligue américaine des Junior Cotillons a dévoilé sa liste de personnalités les plus élégantes et celle des stars les plus vulgaires. Alors, d'après toi, qui a remporté la palme de la vulgarité? Lady Gaga? Eh bien non, c'est Kim Kardashian. Ah ouais, en c'est fait, vrai. Ils expliquent que leurs sélections annuelles sont basées sur la démonstration de la dignité, de l'honneur et du respect. Ouais. Ce qui ne concerne pas trop, d'après eux, Kim Kardashian, puisque c'est le fait d'avoir lavé en public son linge sale et d'avoir manqué de respect envers l'institution du mariage. Il faut quand même rappeler qu'elle divorce après 72 jours de mariage. Et c'est pas mal. C'est vrai qu'à un moment, elle s'est vite rendu compte qu'elle avait fait une connerie. Ouais. Donc bon, voilà. Et on l'accuse de s'être uniquement mariée pour se faire un paquet de pognon parce qu'elle s'est fait des millions de dollars uniquement avec son mariage. Parce qu'il faut rappeler qu'elle a une télé-réalité, elle est suivie par des caméras et donc forcément le mariage ça a fait un ramdam pas possible. Star Eiffel, moi je me marie. Hein. Et bien voilà, je pense que oui, je peux comprendre. En tout cas, Madonna, maintenant elle a été élue la star la plus vulgaire de l'année. Alors d'après toi, par contre, qui a remporté la palme de l'élégance? L'élégance? Lady Gaga? Non, c'est Kate Middleton, femme du prince William. Et alors Justin Bieber, lui, il a été plébiscité pour faire constamment preuve de courtoisie envers ses fans. Oh bah, et donc, alors là, qu'est-ce qu'il faut pour entendre? Comme quoi, les sondages, ça vaut ce que ça vaut. Oui, c'est vrai. C'est clair. Ça vaut ce que ça vaut. Ouais. Enfin, bon, pour la chanson la plus ringarde, là, qui m'a réveillé ce matin d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai encore un peu la tête dans le coltard, là. On proposait Frédéric et Jonathan. Ah oui, c'est vrai, si tu as un bon poids sur deux, là, c'est dommage. Félix Gray et Didier Barbolivien. Ah, c'est bien, c'est une bonne idée, mais c'est pas ça. Bah, c'est aussi dans un trip un peu ringardos aujourd'hui quand même, c'est vrai. Bon, si vous avez la bonne réponse, ce n'est pas Didier Barbolivien, c'est deux prénoms en l'occurrence. Si vous avez la bonne réponse, c'est facile, il y en a beaucoup qui ont trouvé. On fera un tirage au sort dans quelques instants parmi les bonnes réponses pour vous offrir votre écran plat ou votre caméra vidéo numérique. Bonne chance tout le monde. Est-ce que tu viens pour les vacances? Je devrais me mettre dans la chanson, moi, le karaoké matin. Oh, ou pas, ouais. Par exemple. Ouais, je vais aller faire un tour du côté d'un karaoké, je reviens après ça. Hein. Mickaël à la radio. Mickaël revient juste après ça. Fun Radio. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Yeah, it's a morning time affair. Shug it. Mickaël. Fun. À la radio. Fun Radio. Yeah. Il y a quelqu'un qui proposait Mickaël Étoffe pour la chanson Est-ce que tu viens pour les vacances? Pas ah mal. Non, malheureusement, c'est une mauvaise réponse. Il chante encore plus mal, Mickaël. Ah oui. Bon, surtout toi encore. Bon, 6h42, c'est l'heure de passer à l'actu trafic maintenant. Que se passe-t-il sur les routes? Soyez prudents, accident dans l'échangeur A12, Bergen-op-Zoom, donc depuis les Pays-Bas vers Anvers, avec le 19 Anvers en direction de Breda, donc des Pays-Bas, à hauteur de Anvers-Nord. C'est la bande de gauche qui est obstruée, c'est dans le virage. Et puis camion en panne sur le 411 Bruxelles-Namur-Luxembourg, à hauteur de Loyers. La bande de droite est obstruée au kilomètre 57.5. Attention, camion en ciseaux sur le 429 Bruxelles Tournai à hauteur de Rebec. Et puis accident sur le 34 Anvers en direction de Eindhoven, donc en direction des Pays-Bas à hauteur de Ranst. La première et deuxième manche qui sont fermées. Très vite, deuxième manche. Hein, donc c'est parce que vous circulez vous circulez sur des manches. Hein, faut quand même le savoir. Donc faites quand même gaffe aussi. Parfois la première manche peut être un peu merdier. Elle peut un peu merder à côté des camions. Donc voilà. Possible. Donc faites attention si vous êtes sur une manche. Il est 6h43 sur Fun. Dans un instant, c'est la ligne anti-relou et on écoute le son de DJ Antoine découvert sur Fun Radio, le son Dance Floor avec Tom Dice. C'est Sunlight. 6h44, bon réveil. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0 473 86 00 13. Fun Radio. C'est Fun Radio et bonne matinée tout le monde. Bon réveil avec nous. C'est lundi, c'est le 19 décembre ce matin. Dernière semaine avant Noël. Ça y est, Julie a fait ses courses de Noël. Eh bien, pas encore. Eh ben, ça risque d'être le bordel. Oui, je crois que je vais souffrir. Oui, il y a des fortes chances, effectivement. Bah, bon, bref, n'oublie pas mon cadeau, évidemment. Tu as jusqu'à vendredi, puisqu'on passe pas Noël ensemble, malheureusement. Tu m'as demandé, mais je peux pas. Donc, n'oublie pas vendredi de m'apporter mon cadeau, alors. Hein. Enfin, si c'est possible. Hein. Oui, bien sûr. Bon, sinon, je passerai un crayon. Un petit tour, quoi, vite fait. Il y aura Rihanna aussi dans un instant avec You the One. Et puis, on va parler maintenant des relous. Et oui, les relous ont été bien. Violent ce week-end, puisqu'ils étaient en majorité à Charleroi aux 20 ans de Fun Radio, puisque Toff était là, hein, leur président, était avec, avec tous les relous, évidemment. Et ce numéro, je l'ai vu tourner à gauche, à droite, à gauche, à droite, et finalement arriver dans la poche de Toff. Voilà, 0473 86 0013, c'est un numéro évidemment qui est fait pour vous, un numéro qu'on met à votre disposition. Les filles, les garçons, il faut retenir ce numéro par cœur et le donner à tous les relous en leur faisant croire que c'est le vôtre. Comme ça, ils seront contents, ils auront, en tout cas ce qu'ils pensent, votre numéro de téléphone. Et puis bah forcément, quand ils vont appeler, bah vont laisser leur message sur la ligne anti-relou. Salut Olivier, c'est mon ami, s'il te plaît, sonne-moi. Ouais. Oui, pourquoi mais c'est bien d'avoir. C'est un suppliant qui va avoir ce que tu veux. C'est puis, bien connu. Et surtout un suppliant, un répondeur. Oui, tout à fait. Voilà, qui plus est, n'est pas le bon. Enfin, pour ça, il pouvait pas le savoir, c'est vrai. Mmh. Il pouvait pas le savoir. Deuxième message. Ouais, Magali. C'est John ici. Voilà, c'est pour te dire, en fait, je suis dans la voiture. Tu m'avais dit de me commencer à me branler, mais devant chez toi. Oh, mais il y a des gens qui passent un peu bizarre ici, et voilà, quoi. Donc voilà, j'essaie de me rappeler, quoi, parce que moi, ça commence à venir. Après 2 heures, allez, bisous. Hein. Oh, mais quel gros porc! Quel gros porc! Comment tu peux appeler, laisser un message comme ça? Oui, donc, j'ai bientôt terminé. Tu m'as dit de faire ça, mais il y a des gens qui regardent, hein, c'est dégueulasse. Oui, effectivement, je pense que tout est dit à ce niveau-là. Et troisième message. Ouais, tu m'avais donné rendez-vous hier et ça fait 1 heure que j'attends, là. T'as compris. Tu me gonfles, tu viens ou pas, ciao. Ça j'ai compris, mais au début j'ai pas trop compris ce qu'il essayait de dire le monsieur. C'est pas très grave, hein. Si vous êtes traducteur, n'hésitez pas à nous contacter, bien sûr, nous attendons vos messages avec impatience, bien entendu, au 3044. Alors venez aussi nous rejoindre sur le Facebook ou sur le Twitter MIKL_officiel pour nous rejoindre. Évidemment, vous êtes les bienvenus. Dans un instant, un bel canular de Toff spécial Noël cette semaine, puisqu'il va essayer de se faire inviter en fait chez des gens, puisque bon bah c'est Noël, il va passer Noël tout seul, donc il est un peu déprimé, donc il va essayer de se faire inviter. On va voir comment ça va se passer. Et puis je vous rappelle également qu'il y a toujours la chanson Ringarde à trouver, hein. C'est la chanson qui m'a réveillé ce matin quand le radio réveil s'est mis en route, j'ai tombé là-dessus. C'est dur, hein. Tu ne peux pas passer une bonne journée quand tu t'es réveillé avec ça. C'est ah non, pas mais je te confirme, elle risque d'être très mauvaise. Voilà, si vous avez la bonne réponse, qui chante cette magnifique chanson? Oh là là, extraordinaire. 6322, c'est un euro le message. Il y a des écrans plats à gagner ou des caméras vidéo numériques toute la semaine. Donc profitez-en bien. Eh oui. Voilà, voilà, bonne chance, hein. Il y a déjà les bonnes réponses qui sont arrivées, évidemment. On fera un tirage au sort parmi les bonnes réponses dans un instant. Mais avant cela, on va s'écouter. C'est vraiment dommage, hein, d'écouter Rihanna alors qu'il y a. Tu vas donner la réponse. Alors qu'il y a. Est-ce que tu viens pour les vacances? Vraiment une faute de goût, ça. Je suis désolé, c'est dans la prog, j'ai pas le choix. Je vous passe Rihanna et pas l'autre. J'espère que vous m'en voudrez pas. Ouais, c'est vraiment décevant. Et restez sur Fun Radio, car dans un instant, il y aura le son des 10 gigas qui arrivera. Ce sera Merry the Night. L'info de Julie va débarquer également d'ici quelques instants. Et on proposait Ellie Medeiros également pour la réponse à la petite chanson que je vous ai mis là qui m'a réveillé ce matin. Non, c'est pas George Michael non plus. Oh là là, George Michael, non, dis donc. Ils sont deux. Bah oui, ils sont deux, mais c'est ni l'un ni l'autre d'ailleurs, hein. Donc comme mais ça, oui. Comme ça vous savez, je vous remets un petit bout là vite fait parce que tout le monde aime bien, tout le monde me demande, tout le monde me dit oui, mais vas-y, mets-le en entier. Est-ce que tu viens pour les vacances? Il faut savoir que Toff a fait un slow avec Julie pendant la mais pause. Mais oui, non, pas du tout. On était là, on s'enlaçait, ouais, ouais. Et c'est quand j'ai essayé de la galocher qu'elle m'a. Ouais, une claque. Voilà, c'est normal en même temps. Jamais de la vie. Voilà, si vous avez la bonne réponse, donc 63-22, c'est un euro le message. Bon, allez, parlons de choses sérieuses maintenant. Nous allons appeler des gens, puisque bah forcément, c'est bientôt Noël. Toff ne sait pas où passer Noël, donc il va bah essayer oui. de se faire inviter. Bah, c'est ça, voilà, toi tu pars, Julie elle part, enfin tout le monde part, donc je suis seul, abandonné, rejeté bah, de ouais. tous. Bah, essaye de voir avec Julie si tu peux partir avec elle. Tu porteras les valises. C'est ouais. mon amoureux qui va être content. Mais non, mais, ah, non, oui, mais si, pour porter les valises, valises ah, c'est tu vrai, vois. C'est pas mal. Tu sais, tu pourras dire Toff, un cocktail Mai Tai s'il te plaît. Ouais, tiens, voilà. En même temps, si c'est pour partir là où elle va, moi ça me va. Hein. Ouais, ça ouais. me dérange pas de porter des valises si c'est gratuit. Hein. C'est ça. Bon, donc du coup, on fait le premier appel, on va à Mézancy. Allons-y. Allez, c'est parti, on y va. Hop là, on va voir s'ils sont cool à Mézancy, tiens. Oui, allô ? Oui, bonjour madame. Oui ? Oui, bonjour, voilà, je vous appelais pour savoir ce que vous faisiez pour Noël. Vous avez vu l'heure qui est là ? Bah oui. Et donc ça ne me dit pas qu'est-ce que vous faites pour Noël ? Bah qui êtes-vous ? Je suis Toff. Toff ? Oui. Je ne vous connais pas. Oui, mais c'est, justement, c'était peut-être l'occasion de se rencontrer. Non, pas à cette heure-ci, merci. Hein. Non, mais pas pour Noël. Bah, je ne vois pas, je ne comprends pas du tout votre histoire. Bah, je vous demande ce que vous faites pour Noël. Mais je ne vais pas répondre à quelqu'un que je ne connais pas. Bah si, puisque je vous demande. Mais non. Ah d'accord, donc elle se raccroche quasiment au nez elle-même, hein, c'est ça qui est pratique. Non. Bon, on va la rappeler à mes sensibles, elle avait l'air tellement cool. Mais allez, oui, hop, elle a l'air partie, sympa. On recompose. Voilà. Je suis sûr, elle a envie, elle n'ose pas le dire. Oh, il y a de fortes chances, oui. Ça doit être ça, hein. Mais oui. Mais oui, comme à chaque fois d'ailleurs. Bon, allez. Oui, allô ? Oui, excusez-moi, mais c'est pas Esprit de Noël ce que vous faites. Vous n'allez pas continuer à m'agacer comme ça, hein. Mais, enfin, moi je vous demande gentiment ce que vous faites pour Noël et vous me répondez violemment comme ça. Mais dites, vous avez vu l'heure ? Bah oui, mais enfin bon, moi je vous demande pas quelle heure il est, je vous demande ce que vous faites pour Noël. Moi je vous demande pas de me réveiller non plus, au revoir. C'est gentil, hein. Oui, elle n'a pas tort. Non, c'est pas Esprit de Noël, je suis pas c'est d'accord. Vrai. C'est pas Esprit Noël. C'est vrai, allez hop, Esprit Noël, on rappelle. Oh non, mais si, c'est ça l'Esprit de Noël. Mais laissons les gens en paix. Bah oui, mais c'est ça. Un appel de plus, j'appelle la police, monsieur, c'est du harcèlement, ça. Mais oui, mais c'est pas Esprit de Noël, tout ça, madame. L'Esprit de Noël, c'est le partage, l'amour. Et là, vous me parlez mal, vous me raccrochez au nez. Enfin, ça se fait pas. Ouais, c'est bon, je viens de caler. Radio, merci, au revoir. Y a pas besoin de rappeler. Ouais, je viens de caler radio. Radio, merci, au non, revoir. Elle dormait à moitié encore là, faut pas lui en vouloir. Non, elle a capté que c'était la radio, voilà, c'est tout. C'est dommage parce qu'elle serait restée du coup un peu plus longtemps au téléphone. Elle aurait peut-être pu négocier un cadeau, tu vois. Ouais. Genre, ah, oui, vous m'avez fait chier, bah, j'appelle la police ou vous m'offrez un cadeau, tu vois. On aurait pu encore négocier. La quoi. Menace, toujours la menace. Ouais, bah, ça s'appelle du chantage. C'est vrai, c'est pas grave. Il y en a qui font ça avec TripAdvisor, je suis sûr que tu devrais essayer. Pourquoi pas. Bon, 6h57 sur Fun Radio, on rappellera tout à l'heure si vous avez de bons numéros à nous donner pour qu'on puisse. Bah, pour que Toff puisse passer Noël en famille, même si c'est pas la sienne, c'est pas grave. Mais c'est pas grave, tu sais, voilà. Moi, tant que j'ai des cadeaux, ça me va. Mais voilà, donc vous n'hésitez pas à nous envoyer vos numéros au 3044, on compte sur vous. Et puis côté musique maintenant, eh ben, on va s'écouter le son de Lady Gaga, c'est Marry the Night. Ah, petit message qui est arrivé. Coucou, voici le numéro de ma mère. Très bien, nous prenons note pour éventuellement l'appeler pour se faire inviter. Tiens, on va voir comment ça va se passer cette affaire tout à l'heure. Dans 10 minutes sur Fun Radio, je vous appelle pour vous rembourser vos factures. Un seul numéro pour se faire, facile, 6322. En débutant votre message par facture avec le montant et l'objet de la facture avant Noël, sachant qu'en plus c'était un week-end où il y a eu les cadeaux de Noël, c'est clair que je pense qu'il peut y avoir de la facture disponible. Non, donc c'était la folie, je suis allé au marché de Noël, c'était quand, c'était hier soir. Ah oui, non, mais c'est clair, mais évidemment. Surblindé. Le week-end d'avant Noël en plus. Bon, 6322 code facture, ou pour nos amis luxembourgeois au 621 783 605. On appelle chez vous dans moins de 10 minutes. Et on va écouter aussi le son de Florida dans un instant avec Good Feeling sur Fun Radio. Mickaël, à la radio. C'est Homer Simpson sur Fun Radio. Alors comme ça, tu crois pouvoir réveiller tout le monde, hein? Eh ben, essaye de me réveiller déjà, espèce de petit... Mickaël, à la radio. C'est Fun Radio, bienvenue tout le monde, il est 7h01, on est un peu en retard, mais c'est pas grave, c'est le 19 décembre et c'est l'info maintenant, c'est avec Julie. Bonjour à tous, sans surprise, Philippe Gilbert a été élu sportif de l'année pour la 3e fois et Kim Clijsters a été élu sportif de l'année pour la 8e fois. À 29 ans, Philippe Gilbert a récolté la majorité des votes. Il est accompagné sur le podium des frères Borlée, Kevin terminant 2e et Jonathan terminant 3e. Jacques Borlée a quant à lui été élu entraîneur de l'année. C'est la première fois que ce trophée était décerné. Toujours en sport, en football, en 8e journée de championnat, hier dimanche, le Standard et Gand se sont quittés sur un partage, 0-0, pas très compliqué. Aude Everley-Louvain a battu le FC Bruges, 3-0. Anderlecht a battu in extremis Lokeren, 3-2. Journée difficile encore pour les Liégeois. Pierre, le jeune adolescent tombé sous les balles de Nordine Amarani, sera enterré aujourd'hui, tout comme Antonietta, la femme de ménage du tueur. Et puis Orlando Leblon, le parent du petit Gabriel, 17 mois, appréhendé après 5 mois de cavale, a réintégré la prison de Huy. Il doit être entendu dans les prochains jours par les autorités judiciaires de Charleroi. Il est question de son éventuelle implication dans plusieurs dossiers de braquage commis depuis cette évasion dans la région de Charleroi, dont le braquage survenu il y a 8 jours dans une station-service d'Anderlu. On apprend ce matin dans la DH qu'une tentative d'évasion a été déjouée à la prison de Bruges. le mois passé. Il s'agirait d'une double évasion en hélicoptère montée par un commando venu du Monténégro. Une société d'hélicoptères de Knok aurait été contactée le jeudi 3 novembre dernier par un individu qui souhaitait réserver un vol le week-end suivant, mais cette dernière société s'est méfiée et a alerté la police. L'enquête a conduit à l'interpellation de 3 suspects, dont une femme. Carton plein pour les commerçants hier, vous étiez nombreux à faire vos derniers achats de Noël. Oui, trop nombreux. Ce qui a un petit peu renfloué les caisses des magasins. Après une année difficile, on a comptabilisé 1 850 000 transactions financières uniquement pour la journée d'hier, soit 8% de plus que 8 jours plus tôt. À l'étranger, l'opposant congolais Étienne Tshisekedi, battu à la présidentielle en République démocratique du Congo, se considère toujours le président élu et veut prêter serment vendredi. Le scrutin du 28 novembre dernier a été entaché de multiples irrégularités dénoncées par des observateurs électoraux et des pays occidentaux. Le président Kabila doit lui prêter serment mardi. Il faut les prévenir qu'ils ont déjà fait ce truc-là en Côte d'Ivoire, ça s'est pas bien fini. Hein. Et puis le président de la Corée du Nord et dictateur Kim Jong-il, dont la santé était réputée chancelante depuis des années, est mort samedi. Son fils Kim Jong-un a été désigné pour prendre sa succession. L'indice boursier sud-coréen a fortement plongé depuis cette annonce. La Banque centrale de Corée du Sud a annoncé qu'elle prendrait des mesures si nécessaire pour calmer les marchés. Dans un instant, je vous rembourse vos factures sur Fun Radio. Je vous explique comment faire juste après la météo. Maintenant, quel temps pour aujourd'hui? Les éclaircies arrivent déjà au littoral. Elles gagneront tout le pays au cours de la journée. Température de 4 à 6 degrés. La pluie est déjà de retour ce soir. Demain, il neigera encore sur l'Ardenne et il va pleuvoir sur tout le reste du pays. Bon, bah très bien. Voilà, pour vous rembourser vos factures, c'est simple. Je vous appelle dans un instant en direct, dans 4 minutes à peu près, pour vous rembourser vos factures. Si vous avez une facture, genre un cadeau de Noël par exemple, ça tombe bien, pile poil dedans, et que vous voulez vous le faire rembourser, c'est simple. 6322, vous débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture, tout simplement. Je vous appelle en direct sur Fun Radio dans moins de 4 minutes et je vous rembourse peut-être votre facture. 6322, code facture, bonne chance. Fun Radio. Fun Radio. Et à 7h05 sur Fun Radio, avant de vous rembourser vos factures dans un instant comme prévu, quelle est l'info en plus? Alors d'après toi Mickaël, qu'est-ce qu'on peut faire avec 10 000 œufs, 1000 litres de lait et de crème, 400 kg de fruits rouges et 250 kg de sucre? Mais une bûche géante, évidemment. Ah bah oui, je suis une bête. Une bûche de près de 500. Mais oui, qu'est-ce que je suis bête, je n'avais pas pensé à ça. Ah oui, quand même, c'est bientôt Noël et en général, oui, c'est le dessert qui est plébiscité par tous. C'est vrai. C'est pour ça que je ne pouvais pas passer à côté de cette info. Donc une bûche de près de 540 mètres de long, imaginée par des élèves de l'école hôtelière Savoie-Léman. 200 millions de calories. C'est donc en France. Alors elle est préparée il y a quelques semaines, et eh bien son élaboration Bah dégueulasse quand même... tu vas la bouffer parce qu'elle était prête. Son élaboration a nécessité aux étudiants plus de 8 mois de travail quand même. Alors elle a été préparée il y a quelques semaines, mais congelée et découpée en milliers de bûches. Alors bonne nouvelle, enfin c'est la petite nouvelle quand même sympa, et bien ces petites bûches seront vendues au profit d'une association qui s'appelle À Chacun Son Everest, qui vient en aide aux enfants atteints de cancer. D'accord, ça, bon, c'est un voilà. Bon plan. Bon bah très bien, parfait. Donc si vous voulez manger de la bûche, n'hésitez pas, hein. Hop là, elle est grande, elle est magnifique. Attention, toujours gagnant, jamais perdant, vous pouvez venir, il n'y a pas de problème. 7h06 sur Fun Radio, je vous rembourse vos factures dans un petit instant. Le petit rire, celui de Max le stagiaire que vous allez entendre. Je suis de retour, hein, j'ai un rire très caractéristique. Oui, oui, oui, très en retard surtout, 7h06. Eh ouais. Eh ouais. Et alors, il fallait voir Max aussi aux 20 ans de Fun, hein. Il a pécho. Oh non. Un truc voilà, de dingue, ça, un truc de dingue. Il est 7h09 sur Fun Radio, il y a Mojo qui arrive dans un instant côté souvenir. Tiens, on fera un petit flashback du côté des années 2000, même tout début 2000, ce sera Lady. Et puis un petit message qui dit « Moi j'ai pas encore fait mes courses de Noël, est-ce que ça craint ?» Je serais tenté de dire oui. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Exactement, tous les matins sur Fun Radio, on appelle chez vous, on vous rembourse vos factures et puis comme ça vous êtes content. Voilà, c'est ça l'esprit de Noël, sauf que c'est toute l'année sur Fun Radio et plus particulièrement pour Noël, puisque bah, si vous avez été faire vos courses de Noël par exemple hier, enfin ce week-end en règle générale, eh bien vous allez pouvoir nous envoyer votre facture de manière à ce qu'on puisse vous la rembourser. Ça ferait plaisir, ça vous permettrait soit de gagner de l'argent, soit de faire deux fois plus de cadeaux. Personnellement, j'en ferais pas deux fois plus. Hein. Je préférerais garder l'argent, c'est normal. Ah oui, oui, aussi, comme ça, tu fais un cadeau de Noël à toi-même, c'est quand même vachement plus sympa. Bon, on appelle maintenant quelqu'un qui s'est inscrit ou inscrite au 6322 par SMS en débutant le message par facture, ou alors au 621, ça c'est le numéro pour le Luxembourg, au 621-783-605. Allez hop, c'est parti. Allô? Allô? Allô? Oui. Oui, bonjour. Qui paye les factures le matin? Fun Radio. Mais oui. Comment ça va et comment tu t'appelles? Billy. Très bien, Billy. Eh bien, tu es dans quelle ville, Billy? Où ça? Disait. D'accord, tu es très bien, ça a l'air sympa aussi. Bon, Billy, tu nous avais appelé pour rembourser. Alors, rembourser un truc tellement esprit de Noël. C'est le top de l'esprit de Noël. Écoutez bien, ouais. Et ça, c'est génial. Tu veux qu'on te rembourse quoi, Billy? Une planche à WC. Et gaffe, ça c'est. Une planche à WC. Mais oui. J'espère comment elle a un côté fun. Mais oui, une lunette de chiottes. Mais oui, mais c'est ça Noël. C'est ça l'esprit de Noël. C'est la planche de toilette. Bon, eh ben, écoute, Billy, 35 euros, bien sûr qu'on va te les rembourser. Mais tu t'es offert ça pour Noël ou. Non, c'est pour savoir si on doit appeler un médecin derrière. Hein. C'est juste pour savoir. Mais bon, en l'occurrence, non. Hein. C'est une planche de WC, hein, genre elle est un peu particulière, un peu design ou c'est une bête planche Non, c'est une planche à WC. Bon, d'accord, ok. Non, parce qu'après, il y en a qui déprennent, mais tu sais, avec des dessins dessus. Personnalisé, quoi. Ouais, personnalisé ou pas, mais un peu spé, on va dire ça, comme ça. Bon, ah bah écoute, Billy, il n'y a pas de problème. Tu vas rester au standard, on va te rembourser ça. Il n'y a pas de souci, Billy. Je te fais des bisous. Merci. Salut, à bientôt. Et puis, bah, tu reviens quand tu veux, reste bien là. Et puis, les autres, si comme Billy, vous voulez qu'on vous rembourse votre facture, eh bien, n'hésitez pas. Vous envoyez au 6322 par SMS, vous envoyez facture avec le montant et l'objet de la facture. Ou alors, pour nos amis luxembourgeois, au 621-783-605. Et puis, côté musique, eh ben, je vous en avais parlé tout à l'heure, sans pub sur Fun Radio à 7h12. C'est le son de Mojo qu'on écoute maintenant. C'est Lady. Juste après, il y aura évidemment l'horoscope avec l'ami Doudou qui a vécu ses premières neiges ce week-end et on va en parler, je pense. C'est Fun Radio et Mojo à l'instant avec Lady. Fun Radio. L'horoscope. Et bonne matinée avec nous. Il est 7h15 ce matin. On a toujours la petite chanson, la petite devinette. La petite devinette, pas du tout. La petite chanson qui m'a réveillé ce matin. Tiens, si vous avez une idée, qui a chanté ça? Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi je. Ah, y a pas ça, Doudou, chez vous, hein, dans vos îles. Ah, bah non. Nous on a Zouk Machine, la compagnie créole. Et nous on a ça ici. Hein. Voilà, si vous avez une idée, qui chante ça? Qu'est-ce qui m'a réveillé ce matin? Donc c'est Est-ce que tu viens pour les vacances? C'est le titre, c'est sûr. Hein. Et la bonne réponse au 6322, c'était donc pas George Michael, ce qu'on avait proposé tout à l'heure, ni Eli Medeiros. 6322, c'est 1 € le message. Et puis comme je vous le disais, eh bien il y aura pour vous d'ici quelques instants un écran plat ou alors peut-être un lecteur, une caméra vidéo numérique, tout simplement. 6322, bonne chance tout le monde. Bon, Doudou qui est avec nous maintenant. Oui, là. Voilà, je suis là. Bah alors vous avez vécu vos premières neiges là ce week-end? Ça s'est bien passé? Là, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire encore, ce truc blanc qui nous tombe sous la tête? C'est un truc froid en général. Hein. Ah oui, oh là. Vous allez voir, ça va retomber encore. Hein. Oh là là, c'était horrible, horrible, horrible, horrible. Ah oui, ça c'est. Enfin bon. Oh là là là, bon. là. Et ça a été aussi la soirée des 20 ans? Ah oui, ça a été. Je salue Maui Béatrice, Maui Audrey. Mario Audrey, c'est facile pour le coup. Hein. Ça sera la midi, Mario Audrey. Mario Audrey. Oui, Maui Manon. Bon, enfin bon, Maui tout le monde, Mago. Toutes les maris qui étaient là. Bon, allez, les béliers, Doudou. Les béliers, ne prenez pas d'engagement de sorte qu'il ne vous arrive rien. Très bien, les taureaux. Si vous êtes pris entre deux feux, ne jouez pas les Saint-Bernard. Les gémeaux. Cette journée se passera calmement, presque de façon monotone. Les cancers, comme Julie. Alors, est-ce que pour la dernière semaine avant les vacances, là, est-ce qu'il va lui arriver un truc bien ou pas? Au lieu de faire des pouets sportifs, vous devriez plutôt favoriser le sauna et le wellness. Mais avec plaisir. Mais oui, un peu de relaxation vous fait le plus grand bien. Bon, les lions. Vos pensées sont déjà ce soir, alors si vous pouvez essayer de pas trop travailler aujourd'hui. Bah d'accord, les vierges. Allez, cette journée n'est pas aussi mauvaise que ça. Les balances. Vous devez prêter plus attention à votre santé. Les scorpions. À cause du stress de ces derniers temps, votre patience a été mise à rude épreuve, mais ça va s'arranger. Bah oui. Les sagittaires. Sortez de vos habitudes et planifiez quelque chose de fou aujourd'hui. Les capricornes. Battez-vous avec détermination et le succès arrivera, c'est bien connu. Bah oui, les Verseaux. Vous avez de bonnes cartes pour les affaires financières et allez-y avec courage à vos rendez-vous aujourd'hui. Bon, et enfin pour terminer, les Poissons. Accordez-vous une petite pause et profitez de la soirée. Bah très bien, merci Loulou, on vous retrouve tout à l'heure. Ah oui, d'accord, avec plaisir. Allez, on va faire le Free Code Game également tout à l'heure. Hein, donc si vous voulez jouer avec nous au Free Code Game, n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant. 6322, code frites tout simplement. Et puis côté musique, eh ben c'est parti, on enchaîne maintenant avec le son de Snoop Dogg et Wiz Khalifa, c'est Young, Wild and Free. un bon son, tiens, pour se réveiller, ça fait plaisir. 7h21, le son de Snoop Dogg et Wiz Khalifa à l'instant, c'était Young, Wild and Free sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde, et nous avons avec nous Dominique qui est là. Salut Dominique. Salut, salut. Comment ça va Dominique? Super. Bon, passez un bon week-end. Excellent, c'est le magasin comme tout le monde. Ah ouais, bah comme tout le monde, effectivement, t'as acheté plein de trucs. T'as acheté quoi, Dominique? Les dernières choses en date, c'est... Attends, parle moins près de ton téléphone, parce qu'on comprend rien. Qu'est-ce que t'as acheté? Le truc dans ta bouche. Ouais, enlève le truc dans ta bouche, ouais. Qu'est-ce que tu as acheté? Le dernier truc en date, de avoir acheté le cadeau de ma chérie. Le cadeau de ta chérie, c'était quoi? C'était quoi? Un beau collier. Oh, quelle bonne idée. Mais oui, ça c'est la classe. J'avais compris un vocodeur. Non. Ça, c'est le genre de cadeau que t'aurais offert toi à ta copine. Ah ouais, mais pour lui, tu vois. Oh, bah tiens, Dominique. Ah, bah attends, ça, je vais regarder comment ça marche. Évidemment, mais bien sûr. Bon, Dominique, tu avais la réponse donc à cette grande question. Qu'est-ce qui m'a réveillé ce matin? Et Dieu sait que j'ai encore du mal à m'en remettre, c'était ça. Est-ce que tu viens pour les vacances? Non, je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, toujours aussi ringard à l'aube de 2012. Bon, alors qui a chanté ça, Dominique? Dominique? Il est mort. Dominique? Oui. Ah, c'est qui a chanté ça? Dominique? Dominique? Dominique? Oui. Dominique, tu m'entends? Oui, tout à fait. Ça y est. Bon, qui a chanté ça? David et Jonathan. Eh oui, David et Jonathan, exactement. Bonne réponse, Dominique. Eh ben, bravo à toi. Merci. Ça te permet de repartir avec une caméra vidéo numérique ou alors un écran plat. Tu vas choisir ça avec l'Hub au standard, d'accord? Oui, d'accord. Allez, salut Dominique. Salut à tout le monde, Radio. Ciao, merci Dominique, à bientôt. Tiens, il y a un message qui est arrivé, un beau collier avec ou sans la laisse. Ah, c'est pas mal ça là. Allez, spécial dédicace à notre auditeur fidèle Mirko qui est fan du colonel Rayel, c'est rien pour toi Mirko, tiens. C'est Fun Radio, bon réveil sur Fun. On est ensemble jusqu'à 9h30, à 7h25. On est le 19 décembre également aujourd'hui. Et puis nous avons la devinette qui colle maintenant. Là, on parlera de Koh-Lanta aussi d'ici un petit quart d'heure. La devinette qui colle, c'est maintenant. Si vous avez la bonne réponse à cette devinette qui colle, justement, n'hésitez pas à nous envoyer cette réponse au 6322. Il y a des écrans plats ou des caméras vidéo numériques. Écoutez bien. On la trouve dans la pensée du philosophe et du poète. Dans le ravin, c'est un danger. Parfois dans la mer, elle inquiète. Qui est-elle? On les trouve dans les piscines également. En général, on la regarde avant de plonger, tu vois. On se dit, oh! Parce que évidemment, si ce n'est pas assez, on peut se faire mal à la tête. Mm-hmm. Bon, si vous avez une idée. Je suis vraiment trop nul. Hein. Comment? Je suis vraiment trop nul à ce jeu. Oui, je suis content que tu le dises. Ah, d'accord, ça va. Non, parce que Max, le stagiaire. J'ai du mal. Bon, on la recommence là. On la trouve dans la pensée du philosophe et du poète. Dans le ravin, c'est un danger. Parfois dans la mer, elle inquiète. Qui est-elle? On la trouve dans toutes les piscines du monde. Parfois beau, parfois très, parfois pas assez. Ça dépend. Il faut faire attention avant de sauter, quoi qu'il en soit. Un autre indice éventuellement, Julie, après mon caviar d'indice là? Je cherche, mais je sais ce que c'est, mais c'est compliqué de donner un indice. C'est compliqué, hein? Ouais, c'est voilà. Assez compliqué. Bon, je crois que j'ai trouvé. Hein, mais... Avant de plonger, il faut quand même d'abord regarder, on va dire, la taille de la piscine, parce que sinon, forcément, on peut se faire mal. Bon, la bonne réponse au 63-22, bonne chance, et on va écouter dans un instant Cobra Starship sur Fun. Avec Sabi, ce sera You Make Me Feel sur Fun Radio. Bonne matinée avec nous. Ne bougez pas. Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. 7h30, tout pile sur Fun Radio. Bon réveil avec nous. C'est la dernière semaine avant Noël. Ça fait plaisir. C'est l'info maintenant avec Julie. Bonjour à tous. Journée difficile encore pour les Liégeois. Pierre, le jeune adolescent tombé sous les balles de Nordine Amrani, place Saint-Lambert à Liège mardi dernier, sera enterré aujourd'hui, tout comme Antonietta, la femme de ménage du tueur. Et puis Orlando, le blond, le parent du petit Gabriel, aussi décédé place Saint-Lambert, a été appréhendé après 5 mois de cavale et il a réintégré la prison de Huy. Il doit être entendu dans dans les prochains jours par les autorités judiciaires. Il est question de son éventuelle implication dans plusieurs dossiers de braquage commis depuis cette évasion dans la région de Charleroi, dont le braquage survenu il y a 8 jours dans une station-service d'Anderlu. On apprend ce matin dans la DH qu'une tentative d'évasion a été déjouée à la prison de Bruges le mois passé. Il s'agirait d'une double évasion en hélicoptère monté par un commando venu du Monténégro. Une société d'hélicoptères de Knok aurait été contactée en novembre dernier par un individu qui souhaitait réserver un vol, mais cette dernière s'est méfiée et a alerté la police. L'enquête a conduit à l'interpellation de 3 suspects, dont une femme. Carton plein pour les commerçants hier. Vous étiez nombreux à faire vos achats de Noël, ce qui a un petit peu renfloué les caisses et des magasins. Après une année difficile, on a compté 1 850 000 transactions financières uniquement pour la journée d'hier, soit 8% de plus que 8 jours plus tôt. À l'étranger, le président de la Corée du Nord et dictateur Kim Jong-il est mort samedi d'une crise cardiaque. Son fils Kim Jong-un, âgé de moins de 30 ans, a été désigné pour prendre sa succession. Il prend le pouvoir d'un pays parmi les plus fermés au monde, doté de l'arme nucléaire, mais isolé au plan diplomatique. Les États-Unis ont immédiatement fait savoir qu'ils surveillaient la situation de près, en soulignant que Washington souhaitait la stabilité dans la péninsule coréenne. Et puis en Égypte, des affrontements ont opposé dans le centre du Caire. Pour la 3e journée consécutive, les forces de sécurité à des manifestants réclamant toujours que l'armée quitte le pouvoir. Selon le ministère de la Santé, les violences ont fait 10 morts et 441 blessés depuis vendredi. Actualité sportive, sans surprise, Philippe Gilbert a été élu sportif de l'année pour la 3e fois et Kim Clijsters, élu sportif de l'année pour la 8e fois. Jacques Borlée a quant à lui été élu entraîneur de l'année. C'est la première fois que ce trophée était décerné. Et puis toujours en sport football, en 18e journée de championnat. Hier dimanche, le Standard et Gand se sont quittés sur 0-0. En haut de Heverlee-Louvain a battu le FC Bruges 3-0. Anderlecht a battu in extremis Lokeren 3-2. Et le Cercle de Bruges s'est incliné face à la Gantoise 0-1. 7h32 sur Fun Radio, c'est l'heure de passer à la météo maintenant. On va en écouter Cobra Starship dans un instant. Les éclaircies arrivent déjà au littoral. Elles gagneront tout le pays au cours de la journée. Température de 4 à 6 degrés. La pluie est déjà de retour dès ce soir. Demain, il neigera encore sur l'Ardenne. Et il va pleuvoir sur tout le reste du pays. Eh bah quelle bonne nouvelle. Tiens, en même temps c'est l'hiver hein, dans 2 jours, donc à un moment faut s'attendre aussi à un temps un peu dégueulasse. Il est 7h33 sur Fun Radio, passons maintenant à l'info en plus. Je vous donnerai encore quelques indices et je vous rappellerai la devinette qui colle également dans quelques instants. Alors, sache Mickaël que la musique trop forte nous pousse à boire plus. Bah écoute, on l'a bien compris aux 20 ans de Fun ce samedi. Hein. Et bien, surtout avec Max le stagiaire. Donc c'est pas de ma faute. Dans l'état où il était là. Et bien Max, pour toi, sache que d'après une étude, les boissons alcoolisées nous paraissent plus sucrées lorsque nous les consommons dans un environnement bruyant. De quoi augmenter donc notre envie de boire encore et encore. Pour cette étude, 80 participants ont été soumis à 4 niveaux différents de distraction, passant bien sûr de 0 perturbation à un niveau très fort. Au niveau de la musique, eh bien, on se rend compte que plus la musique est forte, eh bien, plus on a envie de boire. Donc ce n'est pas de notre faute, Max. Et c'est ça qui est bien. Oui, voilà. Je crois que j'avais un problème, les gars. Désolé. T'inquiète pas. Je me sens bien avec vous. Mais t'as vu Merci Julie. Il va falloir retourner à l'école maintenant, monsieur. Hein. Il va falloir rester ici trop longtemps. Bon, 7h34. Bon réveil, tout le monde. Et puis je vous rappelle la devinette qui colle. Donc écoutez-la bien. On la trouve dans la pensée du philosophe et du poète. Dans le ravin, c'est un danger. Parfois, dans la mer, elle inquiète. Qui est-elle ? On proposait de l'eau. Oui, alors dans la mer, pourquoi pas, effectivement, on pouvait y croire. Mais on la trouve dans la pensée du philosophe et du poète. Mais oui, on retrouve ces philosophes incroyables, Platon, Socrate, pourquoi tout pas, ça. Pourquoi pas ? Bon, en tout cas, c'est pas la bonne réponse. Donc, si vous avez la bonne réponse, allez-y. Il y a Cathy qui avait envoyé un message qui proposait le fond. Il y a bien ce mot-là dans l'autre mot, mais ce n'est pas la bonne réponse. Si vous avez donc la bonne réponse, il faut faire attention, évidemment, quand on saute dans une piscine, il faut bien vérifier ça pour pas se faire mal, par exemple, si on plonge. 63-22, si vous avez la bonne réponse, bonne chance. Ou pour nos amis luxembourgeois, vous envoyez ça dès maintenant au 621-783-605. Et on disait également que le score de Bruce, c'était 3-1 et non 3-0. Bonne journée. Voilà. Apparemment, Julie serait trompée éventuellement dans le score. Bon, incroyable ça. En tout cas, ça a été corrigé. Ça ne m'arrive jamais. Ah, ça, Julie, le sport, c'est une tarasse. Mais moi, le sport, je gère à mort. Bon, grave, une fois de plus, grave. Le site sur lequel j'ai été m'informer m'a induit en erreur. Je pense que je vais définitivement plus aller sur ce site. Exactement, il faut le zapper. Bon, les Cobra Starship et Sabi, on écoute You Make Me Feel et on parlera évidemment dans un instant de Koh-Lanta. Mickaël, à la radio. Hey, what's up? This is Gabe from Cobra Starship. Le matin, j'écoute Mickaël à la radio. Mickaël, à la radio. Je comprends rien. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. C'était le son de Cobra Starship sur Fun Radio. Il est 7h37 dans un petit instant. Ah oui, c'est vrai. On avait dit, on avait donné aussi la petite devinette qui colle. Et Max le stagiaire avait également un indice à donner. Écoutons-le. Alors, coupe la musique. Attention, idée. Écoutons-le. C'est Max tout seul. Ah oui, c'est Max tout seul. Alors, hauteur, largeur. J'ai cru qu'il allait donner la réponse. Voilà. Mais moi, j'ai bien réfléchi. J'ai dit, fais pas le con. Voilà, c'est ça. Il faut savoir qu'il y avait un rayon de gun planté sur sa tête par Julie. Hein. Donc, s'il donnait la bonne réponse, c'est... truc était pété, quoi. Bon, 7h37. Si vous avez la bonne réponse, 63-22, c'est 1€ le message. Il y a des écrans plats ou des caméras vidéo numériques qui sont à gagner. Et puis... Oui, je sais, c'est triste, mais vendredi, c'était la dernière de... Tourista Général. Eh oui, c'était la dernière. Mais oui, c'est fini maintenant, c'est terminé. Koh-Lanta s'arrête. Oh là là, c'est fini, Denis, oui, oui. Fini les dégustations de verre, les courses dans la boue, le riz pas cuit. Ils sont enfin tous revenus à Paris pour la grande finale. Et malheureusement, c'est Gérard qui a gagné. Non, je dis ça parce que c'était pas vraiment le plus méritant, hein, mais ce sont les aventuriers qui ont décidé. Et cette année, il a eu GG. Souvenez-vous de lui, hein. Tout le monde m'appelle GG MacGyver. On appelle GG MacGyver. Voilà. C'était le vieux, en fait, qui croyait que Koh-Lanta, c'était l'aventure de sa vie. Il avait même appris à nager. Rien pour venir. Ah, il était génial. Il adorait les chats. Ouais, et même une fois éliminé, il en voulait encore. Hein. J'ai vraiment envie d'y retourner et je suis prêt à repartir dès demain matin s'il le faut. Ah oui, bah, s'il le faut, il va repartir. Mais GG, c'était évidemment surtout un grand philosophe. Un bois, du moment que le bois est sec, il finit par brûler, même s'il est mouillé. C'est pas gênant. La grande philosophie de GG également. Hein. Et puis tout le monde croyait que ce serait Théora qui allait gagner. Je sais pas si vous voyez qui c'est Théora, vous avez ouais. vu ouais, ouais, ouais, c'est le Polynésien justement. Ouais, ouais. Il était trop fort. Théora, c'était lui. Un bois du moment que le bois est. Non, c'est lui. Vous savez que ça a été difficile d'apprendre votre prénom, hein. Théora avec le R qui roule comme en Polynésie. J'imagine que ça fait chaud au cœur de les entendre comme ça. Vous déclamez des compliments et des explications sur votre légitimité en finale. Ah oui, bien sûr, je pense que ça se voit un peu sous mon sourire. C'est... Ouais, bah oui, c'est... Eh oui, mais malheureusement, il n'a pas gardé bien longtemps son sourire. Hein son sourire, hein, mais bon. Puisqu'il a perdu les 100 000 euros, tout ça parce qu'il n'a pas été dans la bonne équipe au départ. Et ça, c'est vraiment dommage. Moi, je pourrais perdre le sourire aussi. Hein. Ah, ouais, ah, si je perds 100 000 euros, je perds le sourire. Hein. Ah non, mais c'est clair. Ah ouais, mais bon. C'est évident, attends, à 100 000 euros, t'imagines un peu. Donc voilà, c'est terminé. Koh-Lanta, qui a regardé Koh-Lanta ici dans le studio? Ouais, d'office, moi. J'ai rien à faire. Moi, je sais pas, je veux tout ça faire le vendredi soir. Ouais, c'est une vie. Tu m'étonnes, Julie. Ouais, c'est ça. Elle a d'autres trucs à faire, elle a la cuisine à faire pour son mec, c'est normal. Ouais. Hein. C'est pas mieux, là. Bah, écoute, j'ai rien à dire parce que c'est faux, archi faux. Donc, oh, il y a que la vérité qui blesse. C'est lui qui faisait la cuisine. C'est vrai, oui, voilà, c'est vrai que Chouchou est l'homme parfait. L'homme parfait. C'est lui qui cuisine, oui. Il fait le ménage. C'est vrai. Il a l'aspirateur. Pendant que Julie est dans son canapé à rien foutre. Bah, moi, je bosse comme une folle. Hein, donc, qu'est-ce qu'il faut pour entendre? J'ai le droit de rentrer et de me poser dans le canapé. Qu'est-ce qu'il faut pour entendre? Tiens, dites-nous vous aussi si c'est votre mec qui fait le ménage. Tiens, votre mec ou votre mari qui fait le ménage chez vous à la maison. Tiens, 30-44, vous nous le dites. Ou alors sur le Facebook ou sur le Twitter, vous tapez Mickaël officiel pour nous rejoindre dans un instant sur Fun Radio. Sexy and I Know It, le son d'LMFAO sur Fun. Son qui a été fait pour moi d'ailleurs. Non, faut le dire. C'est Julie qui m'a fait ce compliment. Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Et dans un instant, il y aura la ligne anti-relou sur Fun Radio à 7h46. Avant cela, c'est l'heure de faire un tour du côté de l'infotrafic avec Julie. Accident sur le 40 Bruxelles en direction de Ostende à hauteur de Zeynar. C'est la bande de gauche qui est obstruée. Et puis arbre sur la chaussée sur le 19 Valenciennes-Mons-Bruxelles à hauteur de Ittre. C'est donc bien en direction de Bruxelles. C'est la bande de gauche qui est obstruée au kilomètre 19.2. Accident également sur le 34 envers en direction de Eindhoven à hauteur de Ranst. Et puis accident sur la 12 Bruxelles en direction de Anvers à hauteur de Braine. Donc soyez prudents, la circulation normalement est plus fluide sur les routes à cause de la neige, mais sur les routes secondaires cela reste dangereux. Très bien, donc faites gaffe si vous êtes sur la route et si vous êtes témoin d'un problème, signalez-le nous. C'est la fun solidarité, c'est comme ça. Vous envoyez votre message au 3044 tout simplement, ou alors sur le mail mickaël@funradio.be. Bonne matinée tout le monde, dans un instant la ligne anti-relou et puis la réponse aussi à la devinette qui colle. Je vous avais demandé aussi qui faisait le ménage chez vous, puisque bon, chez Julie c'est son homme qui fait le ménage, et là on disait mon beau-père, moi je fais le ménage pour ma copine. C'est pas mal quand même, hein. Il y a pas mal qui font le ménage, les hommes, c'est cool ça. Prenez exemple. Ouais. On vous remboursera vos factures sur Fun Radio, c'est dans moins de 20 minutes. Bonne chance. 63-22, code facture. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0473 86 00 13. Fun Radio. Et à 7h49, il est l'heure d'écouter maintenant les meilleurs messages laissés sur la ligne anti-relou. On aura aussi le son de Example avec Stay Awake. Et puis les messages de la ligne anti-relou, c'est un répondeur qu'on met à votre disposition sur Fun Radio. Tous les jours, à tout moment, 24h sur 24, 7 jours sur 7, pour vous débarrasser des plus gros relous de Belgique que vous avez probablement croisés ce week-end en boîte ou en club ou dans un bar, au resto, n'importe où, que vous allez peut-être recroiser cette semaine, on ne sait jamais, ou même le week-end prochain, puisque forcément week-end de fête, etc., etc. 0473 86 00 13. On va écouter maintenant le premier message laissé sur ce répondeur. Oui, bonjour Monsieur Kerbeck, au cher Anne-Catherine, je suis la titulaire de Yannick. Je vous téléphone parce que la situation est un petit peu difficile et très compliquée pour lui, dans la mesure où ses résultats ne suivent pas. Donc voilà, la solution qui va s'imposer, c'est bien sûr un passage en troisième professionnel avec des cotes aussi mauvaises pour lui faire gagner un an, ou éventuellement pour le faire changer avant le 15 janvier 2012. Je vous remercie, monsieur. Au revoir. Il y a un moment, il va falloir que t'assumes tes conneries. Parce que là, c'est bien d'avoir donné le numéro de la ligne anti-relou à ton directeur, enfin ton titulaire. Non, c'est le titulaire, ouais, en plus, titulaire. À son prof. Mais il y a un moment, il va falloir assumer. Bonne journée au papa qui nous écoute. Oui, ouais, voilà, c'est ça. Si les parents écoutent, maintenant, comme ça, ils auront des beaux démarrages de journée. Tu vois, 7h50, hop là. Surtout s'ils sont dans la voiture, tu vois. Ça va, ouais. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Oh là là, tranquille, les examens. Oh là là, pépère. De ce côté-là, je suis tranquille. Bon ben voilà, premier message laissé sur le 0473 86 00 13. Je suis déçu que le prof n'ait pas mis une phrase type d'un prof, tu vois. Genre. Hein, ah bah j'en sais creuse rien. Encore, ouais. Creuse encore, tu sais, après je touché le fond, mais peut encore faire mieux. Ah mais ça, creuse je crois encore, que ça fait 4 ans que les profs lui disent ça, donc à un moment donné, c'est ouais, terminé, quoi. Ouais, mais bon, c'est ça nous aurait bien fait marrer. Hein. D'ailleurs, si vous êtes prof, n'hésitez pas à nous laisser des petits messages que vous avez mis dans les bulletins, des petites phrases un peu originales. Ça peut être drôle de pouvoir en parler. On compte sur vous. 30-44 bien sûr, ou ce que vous avez reçu si vous êtes élève évidemment. Deuxième message. Salut Olivier, c'est mon Mimi, s'il te plaît, sonne-moi. Ben voilà. Eh bien, il n'y a pas de problème. Comme quoi, vous voyez, on peut facilement tomber sur un relou. Donc faites attention quand même si vous êtes dans le coin. Hein. Les relous sont toujours, toujours tout près de vous. Sachez-le, il y en a tellement. Il y en a toujours un qui rôde auprès de vous. Donc retenez bien le numéro 0473 86 00 13. Sur Fun Radio, dans un instant, Tov va s'inviter chez vous, peut-être pour Noël. On va voir s'il va bien se faire accueillir ou pas. Et on écoute Example maintenant à 7h52. If we don't kill the longest. C'est dans un instant sur Fun Radio, le son de Global DJs, ça va arriver avec Hardcore Vibes. Tous les matins, on est en direct sur Fun Radio. Il est 7h55. Je vous rappelle la petite devinette qui colle. Tiens, maintenant, si vous voulez repartir avec vos écrans plats ou avec vos caméras vidéo numériques hein, pour la Noël, tout ça, ça peut être un très très bon délire, ça. Écoutez bien, on la trouve dans la pensée du philosophe et du poète. Dans le ravin, c'est un danger. Parfois, dans la mer, elle inquiète. Qui est-elle? Si vous avez la bonne réponse, n'hésitez pas à nous envoyer cette réponse au 6322 par SMS. C'est 1 € le message. Ou alors, tout simplement pour nos amis luxembourgeois 621 783 605. Voilà, il faut faire attention, ça se trouve dans toutes les piscines du monde hein. Forcément, c'est impératif, il y a la largeur, il y a la hauteur, tout ça. Et puis après, évidemment, il y a l'autre qu'on cherche. Faut faire attention évidemment avant de sauter dedans, parce qu'on peut vite se faire mal au crâne si jamais vous avez mal calculé évidemment cette dernière. 63 22, bonne chance tout le monde. Et puis là, on va appeler pour te faire inviter à Noël, Tof. Bah c'est ça, parce que voilà, faut bien que je trouve quelque chose à faire. Bah c'est ça hein. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas aller chez les gens, c'est beaucoup moins cher, je ne dois pas faire à manger, je ne dois pas amener de cadeaux. Exactement. Et s'ils peuvent m'en faire un, c'est tout. C'est voilà. Pour ça quoi. Et comme Tof est tout seul, puisque Julie part en vacances, ouais. Donc forcément. Ah, moi je fuis dès que possible. Bah c'est voilà. Ça, c'est ça. Donc moi, forcément. Je suis abandonné, laissé pour compte ici. Exactement. Bon, donc du coup, donc on va appeler à Trasny, on avait appelé à Messancy tout à l'heure, ouais. Donc Trasny maintenant, ça me paraît pas mal. C'est pas mal. Bon, allez, c'est parti, on y va, on appelle. Et hop là, direction Trasny. Ce n'est pas le fond, la réponse. Hein. Même si... Allô ? Oui, bonjour, madame. Oui ? Oui, voilà, en fait, je vous appelais pour savoir ce que vous faisiez pour Noël. Mais ça ne va pas dans votre tête. Bah, si, pourquoi ? Bon, ça, c'est fait. Ah ouais, à Trasny, ils sont top. Expéditif. Hein. Ah oui, expéditif, on rappelle. Et donc, ce n'est pas la hauteur, la bonne réponse. Hein. Ni la grandeur non plus, d'ailleurs. Ça finit bien par heure, cela dit. C'est la part de qui, ça ? C'est Tof. Tu sais bien, tu me casses vraiment ce qui s'appelle les couilles. Hein. J'ai pas besoin. Oh, c'est pas mal ça. Tu me casses vraiment, c'est tu qui me s'appelle casses les vraiment couilles. Les couilles. Tu as compris là. Si tu rappelles encore une fois, tu vas voir ce que ça va se passer. Mais c'est pour ça qu'on va pas. Non, là, on va pas rappeler. Non, il a une voix qui inspire pas le rappel. Allez, on revient dans un instant après Global DJ sur Fun Radio. Bonne matinée avec Fun, il est 7h57. Global DJs à l'instant sur Fun Radio avec Hardcore Vibes. Bah, j'espère que vous passez une bonne matinée. Hein. Julie est au taquet, t'es en train de danser, t'es la sur Non mais Hardcore, ça porte bien son nom, c'est horrible. C'est le truc, tout mais de suite. Ça te plombe dès le matin. Quoi. Non mais justement, là, ça te met au taquet, ça te réveille et tout, on est au top du top là. Ouais. Au top du top pour écouter dans un instant. Ma grand-mère est décédée pour pas savoir que je bosse sur une radio qui passe ce genre de truc. Quoi. Cherchez pas sur les autres radios, ils sont encore devant. Effectivement, elle avait raison, Hardcore. Alors, restez ici, Mickaël, réveille la Belgique sur Fun Radio. Dans votre voiture, vous aimez... Ooh, baby. Chez Auto5, l'autoradio LG LCS 310 est à 69,90€. Qui dit auto, dit Auto5. Il est 8h sur Fun Radio, tout le monde retiendra la phrase de Julie juste avant le jingle. Je vais la remettre, je vais la tweeter, là, parce qu'elle était lourde. 8h01 sur Fun Radio dans un instant, Sean Paul. Et puis on écoute maintenant l'info avec Julie. C'est parti. Bonjour à tous, plus de 70 000 voitures ont été immatriculées en 15 jours, soit une hausse de 17% par rapport à la même période en 2010. Cette augmentation est principalement due aux acheteurs qui se précipitent sur les véhicules bénéficiant d'une éco-prime jusqu'au 31 décembre. Et bonne nouvelle, les voitures achetées après le 28 novembre ne doivent plus être immatriculées pour le 31 décembre plus tard. Et désormais, la preuve de paiement suffira. Elle devra parvenir à l'administration pour le 5 janvier. Journée difficile encore pour les Liégeois. Pierre, le jeune adolescent tombé sous les balles de Nordine Amarani, place Saint-Lambert à Liège, sera enterré début d'après-midi. Antonietta, la femme de ménage du tueur fou, sera incinérée ce matin. Et puis Orlando, le blond, le parent du petit Gabriel, aussi décédé, place Saint-Lambert, a réintégré la prison de Huy. Il doit être entendu dans les prochains jours par les autorités judiciaires. Il est question de son éventuelle implication dans plusieurs dossiers de braquage commis depuis cette évasion dans la région de Charleroi, dont le braquage survenu il y a 8 jours dans une station-service d'Anderlu. On apprend ce matin dans la DH qu'une tentative d'évasion a été déjouée à la prison de Bruges le mois passé. Il s'agirait d'une double évasion en hélicoptère montée par un commando venu du Monténégro. Une société d'hélicoptères de Knok aurait été contactée en novembre dernier par un individu qui souhaitait réserver un vol, mais cette dernière s'est méfiée et a alerté la police. L'enquête a conduit à l'interpellation de 3 suspects, dont une femme. Conseil des ministres restreint ce matin pour évoquer la réforme des pensions du ministre Van Quickenborne. Une réforme qui prévoit de rehausser l'âge minimal de départ à la pension de 60 à 62 ans. Par ailleurs, les régimes spéciaux accordés aux magistrats enseignants ou aux journalistes seraient supprimés. La députée CDH Catherine Fonck demande une concertation avec les syndicats. Les organisations des travailleurs rencontrent justement le Premier ministre aujourd'hui. À l'étranger, le président de la Corée du Nord et dictateur Kim Jong-il est mort samedi d'une crise cardiaque. Son fils Kim Jong-un, âgé de moins de 30 ans, a été désigné pour reprendre sa succession. Il prend le pouvoir d'un pays parmi les plus fermés au monde. Et puis en Égypte, des affrontements ont opposé dans le centre du Caire pour la 3e journée consécutive. Les forces de sécurité à des manifestants réclamant toujours que l'armée quitte le pouvoir. Selon le ministère de la Santé, les violences ont fait 10 morts et 441 blessés depuis vendredi. Actualité sportive. Sans surprise, Philippe Gilbert a été élu sportif de l'année et Kim Clijsters, sportif de l'année. Jacques Borlée a quant à lui été élu l'entraîneur de l'année. Puis toujours en sport football. Hier dimanche, le Standard et Genk se sont quittés sur 0-0. Aude Heverlee-Louvain a battu FC Bruges 3-1. Anderlecht a battu In Extremis Lokeren 3-2. Et le Cercle de Bruges s'est incliné face à la Gantoise 0-1. Et je vous rembourse vos factures dans un instant sur Fun Radio. Je vous explique comment ça se passe juste après la météo à 8h04. Bonne nouvelle, les éclaircies arrivent déjà au littoral. Elles gagneront tout le pays au cours de la journée. Température de 4 à 6 degrés. La pluie est déjà de retour dès ce soir. Demain, il neigera encore sur l'Ardenne et il va pleuvoir sur tout le reste du pays. Dans 30 secondes, je vous appelle pour vous rembourser vos factures sur Fun Radio. Restez bien là, ça s'explique. Enfin, je vous l'explique dans 30 secondes. Fun Radio. Fun Radio. Les factures, et oui, je vais vous les rembourser dans quelques instants sur Fun Radio pour tenter de vous faire rembourser votre facture. Une seule inscription suffit au 6322, code facture avec le montant et l'objet de la facture. Comme Val qui nous envoyait 73,69€ pour les cadeaux de Noël, 150€ pour un cadeau de Noël, 65€ pour la taxe poubelle. Tiens, ça finit par elle aussi, tiens, cela dit, mais bon. Qu'est-ce qu'il y a aussi ? Une Ice Watch à 99€, 59€ pour une facture, des colons à bretelles, 99€, d'accord. 50€ pour un PV mauvais stationnement, 170€ pour la taxe voiture, 89€ pour un nouveau GSM, etc., etc. Si vous aussi, vous voulez qu'on vous rembourse votre facture, vous vous inscrivez dès maintenant au 6322. Débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Ça se passe dans moins de 4 minutes sur Fun, donc restez bien là. Et puis, côté info en plus, quelle est l'info en plus justement, Julie ? Eh bien, j'avais envie de vous donner un petit peu l'eau à la bouche ce matin. Une tonne de chocolat, 10 000 œufs, 1000 litres de lait, de crème, 400 kilos de fruits rouges et 250 kilos de sucre. Une belle indigestion. Oui, ça c'est clair. Et beaucoup surtout, de calories. Une énorme bûche de Noël. Oh, ça y est, ça a salivé ce matin. 540 mètres de long, préparé il y a quelques semaines par des étudiants dans une école hôtelière en France. Alors, ça leur a quand même pris 8 mois de préparer cette. Donc, aujourd'hui, elle est périmée, là. Donc, ça ne sert à rien. Ouais, la conception, ça leur a pris 8 mois. Mais ils l'ont préparée il y a quelques semaines. Et ça a été. Bon, elle a été découpée en petits morceaux, congelée. Bonne nouvelle, ils vont les vendre pour récolter de l'argent pour une association. À chacun son Everest qui vient en aide aux étudiants, enfin aux enfants, pardon, atteints d'un cancer. Ils espèrent récolter 15 000 euros. Bon, bah ça va, c'est une bonne. Non, mais c'est bien dans l'esprit, c'est cool. Il est 8h06 sur Fun Radio, je vous rembourse vos factures dans un instant. Donc 6322, code facture, bonne chance. Et puis un message qui dit coucou à toute l'équipe, vous êtes super, belle soirée samedi, on a passé un bon moment en votre compagnie. C'est Chris, Mandy et les amis. Eh bah écoute, merci à vous d'être venus, surtout, hein, ça fait plaisir. Dans un instant, donc le remboursement des factures, je vous l'avais promis. Et puis on écoute maintenant le son de Shanna Paul. C'est She Doesn't Mind, maintenant sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Mais oui, c'est Noël avant l'heure. C'est Noël toute l'année sur Fun Radio, puisqu'on vous rembourse vos factures tout au long de l'année, 3 fois par jour à 7h10, 8h10 et 9h10. Comme par exemple, quelques messages qui arrivent. 99€ pour un Nokia C3, 100€ pour un lit de bébé, qu'est-ce que l'autre, 48€ pour un pingouin. Ouais, c'est bien ça, un pingouin. Ça, c'est bien, pingouin. Un pingouin trotteur. Mais c'est un faux. Ah oui, c'est un faux pingouin. Oui, parce qu'en fait, les gens, ils achètent pas des pingouins pour mettre ces jeux. Mais non, peut-être que ça aurait été un parrainage de pingouins, comme le gorille, tu vois. Ou le singe, ou je sais plus lequel qu'on a parrainé. C'est ça, le chien, le chat, tout ça, c'est démodé, mais non, faut un pingouin chez soi. Mais évidemment. Bah oui, bien sûr, ayez un pingouin chez vous, c'est quand même la classe, vous allez voir. Bon, allez, on y va, on appelle maintenant celui ou celle qui s'est inscrit pour qu'on lui rembourse sa facture. Facture de 48€. Allez. Allô. Allô. Allô. Allô. Oui, allô. Oui. Oui, bonjour. Qui paye les factures le matin ? Ouais, de Mickaël sur Fun Radio. Exactement. Ouais. La bonne réponse. Comment tu t'appelles ? Catherine, est-ce que tu peux parler plus près du micro de ton kit main libre ? Oui. Voilà, qui est de mauvaise qualité. Oui, on va faire avec. Hein. Catherine, tu es dans quelle ville, dis-moi ? À Bruxelles. À Bruxelles, 104.7 pour écouter Fun Radio à Bruxelles. Parfait. Catherine, ouais. tu vas au travail là ? Ouais. Tu fais quoi dans la vie ? Tu fais quoi dans la vie ? Je travaille dans un hôpital. Dans un hôpital ? Bah, c'est pas drôle. Non. Je suis aux pompes funèbres, c'est moi qui embaume les corps. Bah, c'est un métier. Hein. Bon, Catherine, tu voulais qu'on te rembourse donc ton. Ah oui, ton pingouin trotteur. C'est pour ta fille, j'imagine, ou pour ton fils ? Voilà. D'accord, donc tu vas lui offrir un pingouin trotteur. Eh ben écoute, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Elle n'a pas choisi ses parents, hein. C'est vrai quand même, hein. c'est arrivé, on lui a rien demandé. Pingouin trotteur, en fait. Devine. Réfléchis, Max. Bah, tu prends le bébé, tu le mets sur le pingouin et puis il trotte. Mais... Oh là là. Mais non, c'est Max le stagiaire, mais bon, il débute. Vous inquiétez pas, on est en train de l'éduquer. Hein. On l'éduque, y a pas de problème. C'est très dur. Bon, Catherine, en tout cas, c'est gagné. On te rembourse ta facture sans Merci. Problème. Je t'en prie, je te fais des bisous, Catherine. Et, bonne journée à toi également. Et si vous voulez, comme Catherine, qu'on vous appelle tout à l'heure pour vous rembourser votre facture, eh bien vous vous inscrivez dès maintenant si vous le souhaitez. 6322, vous débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Ou alors pour nos amis Lulu, pour jouer avec nous également dans une heure, eh bien vous vous inscrivez au 621 783 605. On jouera également au Free Code Game tout à l'heure. Et puis on va s'écouter le son de The Wanted dans un instant aussi. Ce sera Glad You Came. Make you glad you came. The sun goes down, the stars come out. Voilà, The Wanted, c'est ça. Glad You Came, ça arrive dans même dans 30 secondes. Restez là. Mickaël à la radio. Mickaël revient juste après ça. Fun Radio. C'est Fun Radio, tous les matins nous sommes en direct avec vous toutes et vous tous, avec vos messages qui arrivent au 63-22. Si vous voulez venir nous rejoindre, n'hésitez pas. Dans un instant sur Fun Radio, on va faire un petit blind test spécial. Un petit blind test spécial, voilà, je vous en dis pas plus. Mais si vous voulez repartir avec des cadeaux, vous vous inscrivez dès maintenant, 63-22. Débutez le message par blind, tout simplement, BL, ou vous mettez test, ouais, c'est plus simple. 63-22, débutez le message par test, voilà, et puis on jouera dans un instant avec vous toutes et vous tous au blind test ce matin spécial. Je vous en dis pas plus, vous verrez dans un petit instant. Et puis on va s'écouter le son de Michael Gray maintenant, c'est The Weeknd sur Fun Radio, c'est aussi c'est un petit souvenir, tiens. À 8h15, bonne chance, on vous attend, 63-22, code test sur Fun. Jason Derulo arrive dans un instant sur Fun Radio, ce sera Hit Girl, il est 8h19. On va également dans un instant faire la déclaration express. Si vous voulez vous aussi faire la déclaration express avec Sébastien Loeb, notre grand standardiste de grand talent de haute voltige, oh là là. Eh bien, n'hésitez pas. Le monde nous l'envie. Ah oui. N'hésitez pas bien évidemment à vous inscrire dès maintenant au 3044 en débutant votre message par déclaration. Et nous avons Daisy qui est avec nous maintenant. Salut Daisy. Allô. Bonjour, c'est pas Daisy, c'est Neville. Ah, c'est quoi tu dis? C'est Neville. Neville, d'accord, ok. Bah, c'est vrai que ça ressemble à Daisy, hein, évidemment. On y est presque là. Neville, tu as 30 ans, t'appelles de Trasny, où on avait appelé tout à l'heure d'ailleurs à Trasny, où ouais, les gens sont très aimables hein, à Trasny a priori. Hein. Oui, mais je pense qu'il y a un cercle là-bas de gens qu'il faut pas trop déranger. Peut-être, peut-être. Bon, en tout cas, Neville, c'est pas grave, tu es là, hein, ça fait plaisir. Tu as l'air beaucoup plus agréable que les autres qu'on a appelé tout à l'heure à Trasny. Oui. Donc, ça, de ce côté-là, on est tranquille. Et donc, on va jouer dans un petit instant au blind test, Neville. Tu es prête? Neville? Ben, tu ne sais pas c'est quoi, mais ce n'est pas grave, je vais t'expliquer dans un instant. Nous avons également avec nous, comment il s'appelle? Reggie. Reggie, salut Reggie. Bonjour. Comment ça va Reggie? Ça va très bien. Bon, tant mieux. Alors Reggie, Neville, nous allons jouer au blind test. Blind test spécial chanson et chanteur belge. C'est-à-dire qu'il va falloir découvrir qui chante, quel est le nom du groupe ou quel est le nom du chanteur. Des extraits que je vais vous passer maintenant, d'accord? D'accord. D'accord Neville. Neville par contre parle plus fort hein, parce que sinon on va pas t'entendre, parce qu'on entend très bien Reggie mais un peu moins toi, d'accord? Ok. Allez, je compte sur toi, on y va, attention, premier extrait, écoutez. Tous les grands du quartier l'appelaient fils de bâtard. Tiens, sur mes tracés là, ton père de ma part. Tous ils étaient offusqués. Surtout quand ils ont su que c'était le petit qui fumait chic que son papa leur confisquait. Reggie. Le fils de police du flic là. Mais qui chante? Merde, j'ai oublié. Alors pas d'idée? Neville, tu dis quoi? Eh Neville, j'entends rien, tu vas pas vous. J'entends rien, non, Neville. Ça va pas être possible, on entend rien. Je suis désolé, Neville, j'entends rien. Bah, tu sais quoi, c'est pas grave. C'est Julie qui va te remplacer. Dis, elle va jouer pour toi. Ah, t'es dingue. Voilà, c'est Julie contre. Et Neville, c'est Julie qui joue pour toi. Hein. Reggie, donc t'as pas d'idée, c'était James Dino. C'est pas grave. Deuxième chanson. Plastic Bertrand. Oh là là. Et attention. Neville, je suis à fond pour toi. Et ouais, Julie qui joue pour Neville. 1-0, attention, Reggie. Troisième extrait. Oh mon dieu! Ah bah je la vois, putain, je vois sa tête. Annie Cordy! Eh oui! Eh oui! Eh oui, Reggie, il faut jouer maintenant, hein! Ouais, bah je suis sur la route là! Eh bah ouais, c'est pas grave! Allez, quatrième extrait, 2-0 pour l'instant pour Julie et fatalement pour Neville! C'est belge ça? Ah oui, c'est belge, ouais. Il a dit son nom hein, au début. Ouais. Je sais pas. Tu vois pas? Reggie? Oui. Tu vois pas qui chante là? Pourtant, il a une voix hyper reconnaissable. Ouais. Bon, c'était dédié, tant pis pour vous. Et encore un extrait là? Encore un extrait? Qu'est-ce que c'est ça? Mademoiselle Luna, bravo! Oh ouais, eh ouais, Mademoiselle Luna, pas vieux mal. Truc, évidemment. Bah ouais. Bon, malheureusement, ça se termine sur un 2-1. Je suis désolé, Reggie. Ouais, eh ben, c'est pas grave. Passe une bonne journée quand même. Et Neville qui n'a pas joué a gagné. Et ça, c'est beau. Et ça, bravo, c'est, Neville. C'est magnifique. Tu peux remercier Julie. Hein. Oui, c'est pas grave. On n'entend que toi. On va t'expliquer hors antenne, mais tu as gagné Neville et c'est le principal. C'est tout ce que je voulais te dire. On va refaire un blind test. Alors, si vous jouez avec nous, par contre, ayez un bon téléphone. Parce que là, pour le coup, c'était un peu tendu quand même. On va s'écouter Jason Derulo maintenant sur Fun. C'est Hit Girl. C'était Jason Derulo à l'instant sur Fun Radio. Ce qui va suivre, c'est DJ Joss, Magic Cut et Mendy qui ont fait un bon show. C'était samedi soir pour les 20 ans de Fun Radio à Charleroi. Et ce sera I Want You dans quelques instants. En plus, elle m'a fait mourir de rire, Mendy. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, on s'est rencontrés avant qu'elle chante. Tu veux faire ah, c'est top, machin. Moi, je savais pas qui c'était. Ouais. Donc, tu sais, on se dit bonjour, machin et tout. Et en fait, 30 secondes après, elle va sur scène, elle chante et tout. Je dis ouais, mais t'aurais pu dire que c'était toi. Bah oui, c'est ça, parce que l'autre il voulait la pécho, mais après il s'est rendu compte que c'était. Qu'il n'y arriverait pas, quoi. Tu vois, c'était du haut level. Donc mais elle est super mignonne, elle est adorable. Ouais, elle tu est n'as aucune chance. Je sais, sinon. Tu n'as aucune chance. Ouais, parce qu'après, en fait, elle est sortie de scène, elle fait bon, faut que j'aille étudier. Ah oui, c'est ça. Bon, il y a un message qui est arrivé aussi sur mon mail qui dit danger de verglas plus voiture sur le toit sur la A8 à hauteur du premier tunnel sens tournée Bruxelles et accident sens Bruxelles tournée à hauteur de petit Anguien. Faites gaffe. Bah merci Rémi, si vous êtes sur cette route là, faites attention. Nous avons Marilyn qui est avec nous. Bonjour Marilyn. Salut. Comment ça va Marilyn? Ça va super. Bon, ben bienvenue à toi Marilyn. Merci. Alors, nous allons faire dans quelques instants une petite déclaration express. Oui, à mon amoureux. Oh, c'est mignon. T'es avec lui depuis combien de temps? Un an. Et ça fait combien de temps qu'il est avec sa maîtresse? Non, sa maîtresse c'est moi. Ah, c'est encore mieux. Ça c'est bon. Bon Marilyn, donc t'appelles de Charleroi et on va appeler Christian donc pour la déclaration express. Pas Charleroi, j'appelle de frère. Ah de frère, mais c'est Lob qui m'a mis Charleroi dans le standard, c'est pour ça. Ouais, Lob. Ah oh, mais il est mauvais, frère Charleroi c'est pareil. Bah ouais, c'est ça. C'est à côté de ça. Bah oui, enfin. Bon allez, on y va Marilyn, on appelle Christian maintenant, dès qu'on l'a au téléphone, tu lui dis voilà, j'ai un truc à te dire et nous on dégaine derrière, d'accord? Bah, attention ici, vite. Bah tant mieux. Allez, vas-y, Marilyn. Enfin, dès que ça sonne du moins. Voilà. Ah, j'entends, ça sonne. Oui, c'est déjà ça. Quand faut-il qu'il décroche. Allô? Mon chéri? Allô? Oui. Oui, bonjour. C'est moi, j'ai un truc à te dire, mon chéri. Il y a sa femme à côté. Oui, allô? J'ai un truc à te dire. Ah bah, il a raccroché, le mec. C'est une belle chanson. Ça fait un an qu'elle te connaît et elle n'a pas regretté la première fois que vous l'avez fait, même si elle était bourrée. Parfois, quand elle parle trop, ça te fait chier. Et là, elle t'a mis à la grève du pieu. T'en as marre qu'elle s'occupe plus de toi. Oh, mais c'est normal si tu t'endors à chaque fois. Voilà, c'est le temps. Ce soir, si tu t'endors pas. Christophe Maé qui m'a prêté ça. Ouais, c'est ça, ouais. Dis-toi qu'elle viendra au lit sans pyjama. Parfois. Non mais qu'on l'achève. Pourquoi tu fais ça, Lob? Qu'on l'achève. Bah, c'est parce que je vais pas chanter comme ça. Enfin, avec ma mal à tout le monde, c'est sur du maillé. Qu'on l'achève la chèvre, s'il vous plaît. Hein. Voilà, qu'on l'achève la chèvre. Bon, Marilyn. Oui. Bah, pendant la chanson, il a raccroché, donc j'en déduis que sa femme était à côté de lui, donc du coup, il pouvait pas faire, il pouvait pas dire oui. Salut ma chérie, ça va? Oh, ça va mon chou. Ah, bah, donc, raccroché. Il s'est demandé quoi. Ah. Et il se demande toujours quoi là d'ailleurs. D'accord, bon c'est pas grave, on va le rappeler dans un instant Marilyn, ne bouge pas de là. Bon Marilyn, en tout cas je te fais des gros bisous et puis la déclaration est passée maintenant, j'espère. On va lui faire réécouter. Ouais, moi, un gros big up à toute mon équipe d'impro et spécialement à Lionel qui est un de vos plus grands fans. D'accord, et bien on l'embrasse, y a pas de problème Marilyn. Allez restez là, on écoute DJ Joss dans un instant sur Fun Radio. Ne bougez pas, Fun. Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. Il est 8h31 sur Fun Radio, c'est l'heure de passer à l'actu. Juste un message aussi qui est arrivé par SMS d'un auditeur. Voiture en feu à Saint-Guilain, direction Mons, pompiers sur place, bouchon, ralentissement à Pomereux, direction tournée à cause des travaux. C'est Axel qui nous avait envoyé le message. Merci Axel pour l'info, c'est l'heure de l'actu maintenant avec Julie. Bonjour à tous, les bus de la STIB devraient rouler normalement aujourd'hui malgré l'agression d'un chauffeur samedi soir près de l'arrêt Padua à Évers. La victime est en incapacité de travail pour 5 jours. Ses agresseurs sont toujours en fuite. Des actions ne sont pas à exclure d'ici la fin de l'année. Plus de 70 000 voitures ont été immatriculées en 15 jours. C'est une hausse de 17% par rapport à la même période en 2010. Et cette augmentation est principalement due aux acheteurs qui se précipitent sur les véhicules bénéficiant d'une éco-prime jusqu'au 31 décembre. Et bonne nouvelle, les voitures achetées après le 28 novembre ne doivent plus être immatriculées pour le 31 décembre plus tard. Désormais, la preuve de paiement suffira. Elle devra parvenir à l'administration pour le 5 janvier. Journée difficile encore pour les Liégeois aujourd'hui. Pierre, le jeune adolescent tombé sous les balles de Nordine Amrani, place Saint-Lambert à Liège, mardi dernier, sera enterré début d'après-midi. Antonietta, la femme de ménage du tueur fou, sera elle incinérée ce matin. Et puis l'évadé Orlando Leblon, le parent du petit Gabriel, aussi décédé place Saint-Lambert, a réintégré la prison de Huy. Il doit être entendu dans les prochains jours par les autorités judiciaires. Il est question de son éventuelle implication dans plusieurs dossiers de braquage dans la région de Charleroi, dont le braquage survenu il y a 8 jours dans une station-service d'Anderlu. Politique, conseil des ministres restreint ce matin pour évoquer la réforme des pensions du ministre Van Quickenborn. Une réforme qui prévoit de rehausser l'âge minimal de départ à la pension de 60 à 62 ans et les régimes spéciaux accordés aux magistrats enseignants ou journalistes seraient supprimés. La députée CDH Catherine Fonck demande une concertation avec les syndicats. À l'étranger, le président de la Corée du Nord et dictateur Kim Jong-il est mort samedi d'une crise cardiaque. Son fils Kim Jong-un, âgé de moins de 30 ans, a été désigné pour prendre sa succession. Il prend donc le pouvoir d'un pays parmi les plus fermés au monde. Les États-Unis ont immédiatement fait savoir qu'ils surveillaient la situation de près. Actualité sportive, sans surprise, Philippe Gilbert a été élu sportif de l'année pour la 3e fois et Kim Clijsters élu sportive de l'année pour la 8e fois. Jacques Bourlet a quant à lui été élu entraîneur de l'année. Toujours en sport, en football, en 18e journée de championnat, hier dimanche, le Standard et Genk se sont quittés sur un 0-0. Aude Everley-Louvain a battu le FC Bruges 3-1. Anderlecht a battu in extremis Lokeren 3-2 et le Cercle de Bruges s'est incliné face à la Gantoise 0-1. Il est 8h34 sur Fun Radio. Dans quelques instants, c'est Joss et Magic Cat et Mendy qu'on écoutera, ce sera I Want You. Et puis c'est la météo maintenant. Bonne nouvelle, les éclaircies arrivent déjà au littoral. Elles gagneront tout le pays au cours de la journée. Température de 4 à 6 degrés. La pluie est déjà de retour dès ce soir. Demain, il neigera encore sur l'Ardenne et il va pleuvoir sur tout le reste du pays. Eh bah, quelle bonne nouvelle. On va jouer également dans un petit instant à ce grand et magnifique jeu. Toutes les autres radios nous envient, bien évidemment. C'est le Free Code Game qui arrive dans un instant. Si vous voulez vous aussi vous inscrire pour jouer au Free Code Game, eh bien un seul numéro, ça se passe au 6322, vous débutez le message par frites et vous pourrez gagner jusqu'à des écrans plats par exemple. On donnera la réponse à la devinette qui colle aussi dans un instant. Et puis là, c'est l'heure de l'info en plus, Julie. Eh bien, bonne nouvelle pour tous ceux qui rentrent un petit peu trop bourrés chez eux et qui se font un petit peu enguirlandés par leur femme. Ça y est, je sais pourquoi vous avez trop bu. En fait, c'est la musique trop forte qui vous pousse à boire. Ah, ben voilà. Mais oui, d'après une étude, les boissons alcoolisées nous paraissent plus sucrées lorsque nous les consommons dans un environnement bruyant. De quoi donc augmenter notre envie de boire encore et encore. C'est une étude qui a été réalisée sur 80 participants qui ont été soumis en fait à 4 niveaux différents de distraction, de 0 bien sûr perturbation à une pièce super animée par de la musique. Et ben on se rend compte que ceux qui ont été dans la pièce super animée par de la musique, et ben ils ont bu plus que les autres. Ben voilà, on a l'explication maintenant. Là, on se posait la question. Ben au final, maintenant excuse. C'est bon, une très très bonne excuse en je effet. Suis toujours là pour vous aider. Tout à fait. 8h36 sur Fun Radio. Le Free Code Game, c'est dans un instant pour les inscriptions. 6322. Débutez le message par Fritz. Et puis nous, on vous rappelle, le Free Code Game, c'est dans 3 minutes. Le temps d'écouter Just Magic Cut et Mendy, c'est I Want You sur Fun Radio. Bonne matinée. Il est 8h38 sur Fun Radio. Encore bon réveil avec nous. C'est le 19 décembre aujourd'hui. Dans un instant, nous aurons l'infotrafic avec Julie. On aura également la ligne anti-relou. Et on appellera encore une fois quelqu'un avant 9h pour que Toff puisse trouver un endroit où fêter Noël. Donc voilà, on appelle. Pour l'instant, c'est plutôt mal barré. Mais on ne perd pas espoir. On va finir par y arriver. Mais nous oui. Nous avons, avant de faire le Free Code Game, Fatima qui est avec nous pour la devinette qui colle. Salut Fatima. Bonjour. Oula, comment ça va Fatima? Non, fatiguée. J'entends rien. Fatima, je ne comprends pas ce que tu me dis. Tu me dis quoi, Fatima ? Je suis un peu fatiguée après ma nuit de travail. Ah, c'est d'accord. Ça, elle dort debout en fait. Pas de problème, Fatima. Bah écoute, tu vas pouvoir aller dormir dans un petit instant. Avant cela, tu as la réponse à la devinette qui colle. Ah, écoute bien la devinette qui colle. Je la répète, on la trouve dans la pensée du philosophe et du poète. Dans le ravin, c'est un danger. Parfois, dans la mer, elle inquiète. Qui est-elle ? La profondeur. Eh oui, la profondeur, c'est une bonne réponse. Bravo Fatima. Eh bien, tu repars avec soit un écran plat, soit avec une caméra vidéo numérique. Tu vas choisir ça au standard avec l'OB, d'accord ? Merci beaucoup. Mais je t'en prie. Salut Fatima, à bientôt et bonne nuit. Hein. Merci beaucoup. Ciao. Elle va l'air fatiguée, effectivement, Fatima. Bon, allez, on enchaîne maintenant avec le Free Code Game. C'est parti, c'est Nancy qui est avec nous, 32 ans de tournée. Bonjour Nancy. Bonjour. Comment vas-tu ? Ben, très très bien, et vous ? Eh ben écoute, ma foi très très bien également, Nancy, c'est très bien. Bon alors, attention Nancy, on va jouer au Free Code Game. Le concept du jeu est relativement facile. Il y a 4 questionnaires, rapport avec une friterie évidemment. Donc petit paquet, question très très simple, mais évidemment très petit cadeau. Grand paquet, question légèrement plus compliquée et un cadeau un peu plus sympa. Durum, question encore plus compliquée, mais avec un cadeau qui effectivement est forcément mieux. Et puis après, les écrans plats par exemple, c'est le top du cadeau, c'est la mitraillette. Mais par contre, évidemment, les questions sont beaucoup plus compliquées. Normal, il y a plus à manger. Bah c'est ça. Qu'est-ce que je te sers, Nancy ? Le deuxième, je sais plus. Le grand paquet. Oui, voilà. C'est pour gagner un cadeau pas tout petit, mais pas très gros, d'accord ? Mais c'est bien, mais c'est bien, mais c'est bien. Au moins, tu vois, tu t'enflammes pas. C'est parti pour une grande frite. Parce que pour l'instant, tout le monde a choisi des mitraillettes, ouais, ils sont tous votre raison. C'est clair. Aura-t-on enfin un premier gagnant au Free Code Game ? Nous verrons ça. C'est parti maintenant. Le Free Code Game ! Allez, on y va. Attention, on rentre dans la friterie. C'est le bruit, bien évidemment, de la graisse. De l'huile qui frit. De la pluie, ou de la pluie, c'est à voir. Allez, le grand paquet, attention, c'est parti. Première question. Alors, Nancy, il faut répondre du tac au tac, d'accord ? Oui, je vais essayer. Le plus rapidement possible, on y va. Si j'aime les hommes et les femmes, je suis bisextile ou bisexuel ? Bisexuel. Exactement. Bah, attends, il faut faire 3 sur 5 également, j'avais oublié de te préciser. Pour l'instant, tout va bien, 1-0. Alors, vrai ou faux, l'homme et les dauphins sont les deux seules espèces à avoir des rapports sexuels pour le plaisir ? Faux. Faux, non, c'est vrai. Alors attention, attention, troisième question. Que veut dire figlio di puttana ? Pardon ? Je dis, donc c'est en italien, que veut dire figlio di puttana ? Je pense qu'on va passer à la question suivante. Ah non. Je sais pas. Tu ne sais pas. Bon, eh ben, ça veut dire une insulte. Hein. Je vais. J'adore ton accent italien. Oui, je sais. Des putains. Ah d'accord. Donc tu demandes qu'elle traduise, mais toi tu traduis pas par contre. Fils de pute, ça veut dire. Ah voilà, c'est ça. Bah, merci bonne Julie. Idée. Hein, bonne tu question. Vois, comment tu es. Merci encore. Attention, attention. Il y a encore 2 questions. Tu as 1 sur 3. Il faut bien répondre maintenant. On y va. Comment s'appelle le petit de l'ours ? L'ourson ou l'oursin ? L'ourson, bonne réponse. Alors attention, est-ce qu'on va enfin avoir un gagnant dans ce jeu ? Si tu réponds bien la dernière question, c'est gagné. Cocaïne, héroïne, soupline, laquelle n'est pas une drogue ? J'ai pas entendu. Je répète, cocaïne, héroïne, soupline, laquelle n'est pas une drogue ? Soupline. Eh oui, bravo ! Ça y est, nous avons un gagnant au Free Code Game. Nancy, tu es la première. Bravo à toi. Un grand merci. Eh ben écoute, je t'en prie, Nancy. Il n'y a pas de problème. Allez, vas-y. Alors, c'était moi la boulangerie Vienne, et je te remercie du fond du cœur des pâtisseries. On a fait une chair de roi. Et mes enfants étaient super heureux. Un grand merci en tout cas. Eh ben, il n'y a pas de problème, Nancy. Il n'y a aucun problème. Et je te fais des gros bisous, Nancy. Merci beaucoup. Et c'était le Free Code Game. Bien évidemment. Allez, on revient dans un instant avec David Guetta et Usher. Allô ? Oui, une seconde. On va te reprendre l'antenne. Elle est stressée là, tout va bien. On revient dans un instant avec l'infotrafic sur Fun Radio également et avec notre invité mystère de ce matin, car oui, il y en a un également. Ne bougez pas, Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. C'est Fun Radio, il est 8h48, on fait un point du côté de l'infotrafic maintenant. Eh bien, véhicule en feu sur le 19 à l'ancienne Mons en direction de Bruxelles, à hauteur de Saint-Guilain. Bande d'arrêt d'urgence et bande de droite qui sont obstruées, ça se passe au kilomètre 67.8. Et puis accident sur le 403 Bruges en direction de Courtrai à hauteur de rue de Vourde. L'accès est fermé. Et puis arbre sur la chaussée sur le 19 à l'ancienne Mons en direction de Bruxelles, toujours à hauteur de Ytre cette fois. La bande de gauche est obstruée. situé au kilomètre 19.2. Et il y a Axel qui nous avait annoncé d'ailleurs tout à l'heure le problème avec le véhicule en feu. Il y a aussi Axel de nouveau qui 11 minutes plus tard est dans un nouveau bouchon puisqu'il est à bouchon à partir d'Antoin. Vraiment pas de bol aujourd'hui. Oui, non, ça c'est vrai. Non, ça, Axel. C'est clair. Bien sûr, les bouchons pour rejoindre la capitale comme tous les matins. Et bien évidemment, bah, bon courage en tout cas à toi Axel. Et nous allons maintenant passer à, bah, forcément comme tous les matins, c'est la ligne anti-relou. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0473 86 00 13. Fun Radio. Fun Radio. C'est Fun Radio et c'est l'heure de la ligne anti-relou maintenant, donc à 8h49 avec bah, tous les messages qui ont été laissés sur cette ligne anti-relou justement tous les matins. C'est comme ça que ça se passe. On écoute les meilleurs messages laissés sur la ligne anti-relou, le 0473 86 00 13. On écoute maintenant le premier message. Tu m'avais donné rendez-vous hier et ça fait une heure que j'attends là. Tu me gonfles. Oui, il enlève le mouchoir qu'il a dans sa bouche. Oui, c'est ça. S'il pouvait parler sans le mouchoir, ce serait quand même vachement plus pratique, je pense, pour tout le monde, surtout pour nous. Deuxième message laissé sur la ligne anti-relou ce matin. Oui, bonjour Monsieur Cabec, au Charan Catherine, je suis la titulaire de Yannick. Je vous téléphone parce que la situation est un petit peu difficile et compliquée pour lui dans la mesure où ses résultats ne suivent pas. Donc voilà, la solution qui va s'imposer, c'est doubler, bien sûr, hein, un passage en troisième professionnel avec des cotes aussi mauvaises. Pour lui faire gagner un an, on peut éventuellement encore le faire changer avant le 15 janvier 2012. Je vous remercie, monsieur. Au revoir. Je pense qu'il y a un moment, Yannick, il faut assumer tes mauvais résultats. C'est responsabilité. Parce que, bon, nous, c'est bien. Ouais, c'est bien que tu donnes le numéro de la ligne anti-relou à ton titulaire en disant que c'est ton père. Mais bon, il a raison, moi, je trouve. Il a raison, c'est bien. Il falsifiera encore 2-3 fois son bulletin et puis c'est bon. Et ben, c'est ça, comme ça, après, il va se faire virer et puis il sera bien. Ouais, ouais, bon, au moins, il aura plus de problème. C'est vrai. Dernier message. Salut Olivier, c'est mon mimi, s'il te plaît, sonne-moi. Ah ouais, elle a l'air triste. Et ben voilà, bien sûr, c'est en suppliant qu'on va voir ce qu'on obtient. Bah, surtout le mauvais numéro. En plus, si tu supplies un répondeur, je pense qu'effectivement, t'as toutes tes chances. Ouais. Dans un instant sur Fun Radio, notre invité mystère, et puis on m'appellera également des gens en Belgique pour que Toff puisse s'inviter pour Noël. David Guetta sur Fun Radio à l'instant avec Without You. Bonne matinée tout le monde, il est 8h53. Dans un instant, on appelle encore en Belgique. Et bien pour que Toff puisse trouver un endroit où passer Noël. Voilà, oui. Puisque bah forcément Julie s'en va, donc elle ne passera pas Noël avec lui. Alors qu'elle avait dit oui, je passe Noël avec toi et tout. Mais et elle se barre. Elle m'avait fait plein de promesses. Chacun est plus démuni. Mais exactement. Mais malheureusement, je serai au soleil. Et ouais, oui, en Islande. Elle va se marrer au soleil en Islande. Maintenant je vais en Islande, tiens. En Islande, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ah bah écoute, tu m'as vendre des destinations. Bah c'est non, bien. Mais tu vas voir, c'est bien l'Islande. Hein. Mais franchement, je c'est sympa. Pas en Islande, mais bah, tu fais ce que tu veux. T'inquiète. Vas en Lettonie. Ouais, mais moi, je vais parce que moi, j'ai eu le billet à 5 euros. C'est pour ça que je vais là-bas. Je vais voir ce qui se passe, c'est tout. Bon, 8h53, attention, notre invité mystère, à votre avis, qui chante ça? Ils sont deux. Ça s'en va et ça revient. Eh oui. Ah, il se marrait. Hein. On se marre bien là quand même. Alors il y en a un, il est animateur télé sur une chaîne de France Télévisions, sur France 5 pour être précis. Et l'autre, c'est une chanteuse de R&B français. Et voilà, si vous avez la bonne réponse, 63-22, il y a des écrans plats. Ouais, là, ouais, je vous donnerai des indices si vous galérez. Il y avait un petit peu de Nagui aussi, mais on l'a enlevé. Ouais, mais enfin bon, là en l'occurrence, il n'y en a que deux, il n'y a pas Nagui. Donc si vous avez la bonne réponse, 63-22, c'est 1€ le message, il y a des écrans plats ou des caméras vidéo à gagner. Allez, on appelle maintenant, on avait appelé à Trasny, on avait appelé à Maisancy tout à l'heure et on va appeler à Champion. Bah allez, allons à Champion. Ah voilà, Toff qui va essayer donc d'avoir quelqu'un pour le loger et pour passer Noël avec lui. C'est parti, oui. Direction Champion maintenant. Allez. Allô. Oui, bonjour madame. Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelais, je voulais savoir ce que vous faisiez pour Noël. Comment? Bah, qu'est-ce que vous faites pour Noël? Vous faites un petit réveillon à la maison? Vous allez chez... Oui, oui. Oui. Ah, ben ça tombe bien alors, parce qu'en fait, moi, je savais pas quoi faire et je me disais que peut-être j'aurais pu venir chez vous. Ça va, je vous attends. C'est vrai? Ah, oh, c'est gentil ça, madame. Bah, voilà. Hein, je viens pour quelle heure alors? Nous, on commence à 8h. Vers 8h. Bon, ben très bien. Ben écoutez, je serai là. Alors, ça, c'est très gentil. Merci beaucoup. Ça va. Allez, au revoir. Je passerai mon réveillon à champion. Ça y est, ouais, effectivement, oui, bonne nouvelle, tiens. Et bah voilà, joyeux Noël. Mais comme quoi, il y a des gens qui sont esprit de Noël et exactement. Ça c'est beau. Et ça c'est sympa. C'est pas comme tous ceux qui t'ont envoyé à la mais merde. Mais oui, voilà, alors que là non, elle me dit ah bah 8h venez. Bah oui, venez sans problème, tu vois, c'est ça l'esprit de Noël. Et tu iras avec tes chaussettes blanches ? Bah évidemment. Celles que tu portes en ce moment. Oh, ça taille hein, quand même hein. Ça ne se fait plus ça. Mais je sais, mais tu sais, c'est pour toi que je le fais. Ah, ça taille hein. C'est pour éviter que tu sentes l'odeur de mes pieds. Merci pour ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon allez, ça se passe au 63-22 si vous voulez vous inscrire pour repartir peut-être avec les écrans plats ou avec les caméras vidéo numériques. Si vous retrouvez quel est notre invité mystère de ce matin, enfin quels sont nos invités, il y en a deux. Ça s'en va et ça. Il y en a qui évidemment ont répondu Claude François. Ouais, ils sont encore vivants. Hein. Ce n'est pas Claude ni François. Hein, parce que j'ai dit qu'ils étaient deux. On proposait Nadia et Patrick. Non. Alors il y en a bien un des deux qui est la bonne réponse, mais pas l'autre. Proposer Chaim, ce n'est pas la bonne réponse non plus. Voilà, il y en a un, donc il est animateur télé sur France Télévisions, sur France 5 pour être précis. Il fait une émission médicale avec sa femme d'ailleurs. Et il est docteur aussi. Hein. Et oui, il est docteur, effectivement. Et il a un humour assez graveleux quand même. Ah ouais, complètement même, complètement. Et l'autre, c'est une chanteuse de R&B français qu'on n'entend plus trop d'ailleurs pour l'instant. Si vous avez la bonne réponse, 63-22, c'est 1€ le message et vous mettez la bonne réponse. Quels sont nos deux chanteurs, nos deux invités mystères? Bonne chance sur Fun Radio. C'est Kate Luna qu'on écoute et Fatman Scoop, Drop It Low. Mickaël à la radio. Ah, salut. C'est Kate Luna. Et le matin, quand je me réveille, je ne couche jamais Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Kate Luna à l'instant avec Fatman Scoop, Drop It Low sur Fun Radio. Il est 8h59. Il y a Rihanna qui arrive aussi dans un instant avec Calvin Harris. Et puis toujours notre invité mystère que nous recherchons. Là, je vais vous le remettre un petit coup. Quels sont nos deux invités mystères? Ça s'en va et ça Il y en a deux, une est chanteuse de R&B français, même si on n'entend plus trop pour l'instant. Et l'autre est fait comme un rock. Yeah, comme un rock. Et l'autre, il est animateur sur France 5. C'est le midi, une émission médicale, car il est médecin. Il fait cette émission avec sa femme, tout simplement. Proposer Lame et Patrick. Non, aucun des deux. Patrick Sébastien et Lame, non plus. La Rousseau et Patrick, non plus. Oh là là là là, La Rousseau. Non, elle faisait même pas du R&B. Enfin, c'est fini, il n'y a plus rien aujourd'hui. Hein. Chaim n'est pas la bonne réponse non plus. Voilà, le prénom de la chanteuse, ça commence par un N et l'autre, ça commence par un M. N et M. Les deux prénoms, je parle. Hein. En même temps, le nom de la chanteuse, c'est également son prénom et son nom, c'est tout en même temps. En tout cas, son nom de scène. Voilà, si vous avez la bonne réponse, 63-22, c'est 1€ le message. Bah oui, bah j'y peux rien, moi. Tu vois, elle s'appelait pas, par exemple, Michael Jackson, elle s'appelait pas Michael. Mm-hmm. Ouais, c'est juste le prénom qui fait nom en même temps. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est clair? Ouais, ouais. Non? Ouais, bien sûr. Tant que on peut être plus clair que ce que tu viens de dire. Non, c'est moi, j'essaie d'être gentil, donner des indices après. Hein. Si vous m'aidez pas, tant pis. Hein. Dans un instant sur Fun Radio, Rihanna qui arrive. Bah voilà, comme Rihanna. Bah Rihanna, c'est Rihanna. Ça s'appelle pas Rihanna machin chouette, c'est Rihanna. Ah ouais, ça va, ma confiance. Ah, mais voilà. Je croyais que moi c'était Anna son prénom. Non, c'est ça. Tous les matins j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Fun Radio. 9h pile sur Fun Radio, bon réveil avec nous, on est ensemble jusqu'à 9h30 et c'est l'heure maintenant de passer aux infos avec Julie. Bonjour à tous, les bus de la STIB devraient rouler normalement aujourd'hui malgré l'agression d'un chauffeur samedi soir à Evere. La victime est en incapacité de travail pour 5 jours, ses agresseurs sont toujours en fuite. Par contre, des actions ne sont pas à exclure d'ici la fin de l'année. Plus de 70 000 voitures ont été immatriculées en 15 jours, c'est une hausse de 17% par rapport à la même période en 2010. Cette augmentation est principalement due aux acheteurs qui se précipitent sur les véhicules bénéficiant d'une éco-prime jusqu'au 31 décembre. Et bonne nouvelle, les voitures achetées après le 28 novembre ne doivent plus être immatriculées avant la fin de l'année. Désormais, la preuve de paiement suffira. Elle devra parvenir à l'administration pour le 5 janvier. Journée difficile encore pour les Liégeois aujourd'hui. Pierre, le jeune adolescent tombé sous les balles de Nordine Amrani, place Saint-Lambert à Liège mardi dernier, sera enterré début d'après-midi. Antonietta, la femme de ménage du tueur fou, était-elle incinérée ce matin. Et puis l'évadé Orlando Leblond, le parent du petit Gabriel aussi décédé place Saint-Lambert, eh bien il a réintégré la prison de Huy. Il doit être entendu dans les prochains jours par les autorités judiciaires. Il est question de son éventuelle implication dans plusieurs dossiers de braquage durant son évasion, dont le braquage survenu il y a 8 jours dans une station-service d'Anderlu. Politique, conseil des ministres restreint ce matin pour évoquer évoquer la réforme des pensions du ministre Van Quickenborne. Une réforme qui prévoit de rehausser l'âge minimal de départ à la pension de 60 à 62 ans. Et les régimes spéciaux accordés aux magistrats, enseignants ou journalistes sera supprimé. La députée CDH Catherine Fong demande une concertation avec les syndicats. À l'étranger, le président de la Corée du Nord et dictateur Kim Jong-il est mort samedi d'une crise cardiaque. Son fils Kim Jong-un, âgé de moins de 30 ans, a été désigné pour prendre sa succession. Les États-Unis ont immédiatement fait savoir qu'ils surveillaient la situation de près en soulignant que Washington souhaitait la stabilité dans la péninsule coréenne. Actualité sportive, sans surprise, Philippe Gilbert a été élu sportif de l'année pour la troisième fois et Kim Clijsters élu sportive de l'année pour la huitième fois. Jacques Bourlet a quant à lui été élu entraîneur de l'année. Puis toujours en sport, en football, en 18e journée de championnat, le Standard et Genk se sont quittés sur 0-0. Aude Everley-Louvain a battu le FC Bruges 3-1. Anderlecht a battu in extremis Lokeren 3-2. Puis enfin, le Cercle de Bruges s'est incliné face à la Gantoise 0-1. 9h03 sur Fun Radio. Je vous rembourse vos factures pour la dernière fois ce matin. C'est dans quelques instants que ça se passe. Il suffira simplement de nous envoyer facture au 63-22, mais je vous explique en détail juste après la météo de Julie également. Les éclaircies arrivent déjà au littoral, c'est la bonne nouvelle, elles gagneront tout le pays au cours de la journée, température de 4 à 6 degrés. La pluie arrive déjà dès ce soir, demain il neigera encore sur l'Ardenne et il va pleuvoir sur le reste du pays. Eh ben voilà, et en plus Julie est contente de vous annoncer des mauvaises nouvelles, elle rigole et tout non, ça. Je mets un peu de sourire, un peu dans la voix pour essayer de rehausser un peu tout ça, je fais ce que je peux. C'est vrai. Bon, dans un instant je vous rembourse vos factures, je vous explique dans 30 secondes comment ça se passe. Fun Radio. Fun Radio. Et le remboursement de vos factures, justement, c'est dans un instant que ça se passe sur Fun Radio, dans moins de 3 minutes. Donc si vous voulez qu'on vous rembourse vos factures, eh bien n'hésitez pas, vous vous inscrivez dès maintenant, c'est le seul moyen de toute façon. 63-22, vous débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture, comme la 66 euros pour des objets électriques a priori, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce qu'il y a aussi, 60 euros pour un PV à Villevorde, une autre facture pour être mal garé, 55 euros pour la mutuelle de l'enfant, 80 euros pour une machine à 130 euros pour l'assurance hospitalisation, 99 euros pour un téléphone portable, 100 euros pour un lit bébé, etc., etc. Si vous voulez qu'on vous appelle pour rembourser vos factures, 63-22, code facture avec le montant et l'objet de la facture. Bonne chance tout le monde, on vous appelle dans 3 minutes, le temps de se faire justement l'info en plus. Eh bien, il y a les élèves d'une école hôtelière de France qui ont eu une idée assez spéciale. Ils ont décidé de fabriquer une bûche de près de 540 mètres de long. Eh oui, il n'avait rien d'autre à faire. La bûche, le fameux dessert de Noël, hein. C'est pour ça que je vous en parle évidemment, parce qu'on est presque en plein dedans. Alors, pour faire une bûche de 540 mètres de long, rien de plus simple. Il faut une tonne de chocolat, 10 000 œufs, 1000 litres de lait et de crème, 400 kg de fruits rouges et 250 kg de sucre ont été nécessaires. Bon, ça frise l'indigestion, bien évidemment. Ah oui, ça c'est clair. Alors, il aura fallu 8 mois de travail pour préparer tout ça et elle a été vraiment fabriquée il y a quelques semaines. Alors, la bonne nouvelle quand même, c'est qu'ils ont découpé cette immense bûche en plus petits morceaux. Et ils vont vendre en fait les petits morceaux au profit d'une association qui s'appelle À chacun son Everest. Ah, c'est qui pas vient mal, ça. En aide aux enfants atteints de cancer. Donc c'est super chouette. Alors ils espèrent quand même récolter 15 000 euros. Donc c'est une bonne idée. Oui, pour le coup c'est bien. En espérant que la bûche soit pas périmée vu qu'ils l'ont commencé il y a 8 mois. Ils l'ont congelé. Ah, non, ils l'ont pas congelé. Non, ils l'ont élaboré, donc tu vois, les plans et tout, comment ils allaient faire, ça a pris 8 mois, mais ils l'ont vraiment fait il y a quelques semaines, ils l'ont. D'accord, bon bah très bien. 9h06 sur Fun Radio, je vous appelle pour vous rembourser vos factures dans un instant. 63-22 par SMS, c'est 1€ le message. Vous débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture et vous repartirez peut-être avec un remboursement intégral dans un instant. Le temps d'écouter Rihanna maintenant avec Calvin Harris, c'est We Found Love sur Fun Radio. Il est 9h06, bon réveil avec nous. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Tous les matins sur Fun Radio, en effet, c'est comme ça que ça se passe. 7h10, 8h10 et 9h10. Eh bien, on vous appelle pour vous rembourser vos factures. C'est pas compliqué. Au 63-22, il suffit de mettre facture dans le début de message avec le montant et l'objet de la facture. Comme là, 66 euros l'assurance hospitalière, 80 euros pour le maréchal Ferrand, 93 euros 67 pour les achats de Noël, 60 euros pour le cadavre du chien. Okay. Oh, mais c'est oui, bah, je suis pas rien, c'est un message qui est arrivé. Qu'est-ce que j'y peux, moi? 450 euros pour Mobistar. Mais qu'est-ce que t'as foutu pour avoir 450 euros de facture? C'est un truc de ouf. 85 euros pour le sapin et la déco de Noël. 123 euros pour l'électricité, etc., etc. On va appeler maintenant quelqu'un qui s'est inscrit par SMS au 63-22 pour lui rembourser sa facture. Si il ou elle décroche, bien évidemment, il répond bien à la question que je vais lui poser. ont proposé Nadia et Michel Sardou pour l'invité mystère. Ah, c'est bien vu, mais non. Parce que Michel Sardou n'est pas animateur télé, Matt. Allez. C'est pas Lam et Patrick non plus. Larousseau et Patrick non plus. Nadia et Mickaël. Bah non, voyons. Je vais pas chanter ça, moi. Allô ? N'est pas disponible pour le moment. Eh ben tant pis, c'était un plein d'essence qu'on allait rembourser. Après le signal sonore. Eh ben dommage. Bonjour, c'est Mickaël, tu es en direct à la radio sur Fun Radio. Je t'appelais pour le remboursement de ton plein de diesel de la Golf. Voilà, 60 euros quand même. Eh ben qui te passe sous le nez, c'est bien dommage. En plus, tu t'étais inscrit à 9h06 et 48 secondes. C'est-à-dire qu'il y a moins de 4 minutes, tu t'es inscrit et ben, t'as pas décroché. C'est vraiment dommage. Bon tant pis, écoute, tu retentes ta chance quand tu veux. Profites-en bien, c'est la dernière semaine cette semaine. 63,22 code facture. Il n'y a pas de problème. À bientôt. Bon bah les autres, hein, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On remet le couvert dès demain matin sur Fun Radio. 6322 code facture si vous voulez qu'on vous rembourse vos factures. Dans un instant, eh bien ce sera l'horoscope avec l'ami Doudou. Et puis bah côté musique, on enchaîne directement maintenant avec le son de Maroon 5 sur Fun Radio et Christina Aguilera. Moves like Jagger. Il est 9h12 sur Fun Radio. Dans un instant sur Fun Radio, le son d'Avicii qui arrivera, ce sera Levels. Fun Radio. Fun Radio. L'horoscope. Mais avant cela, évidemment, vous en avez pris l'habitude. 7h15, 8h15, 9h15, l'heure de l'horoscope avec l'ami Doudou. Hein. Toujours en forme, Doudou ? Ah, mais oui, tout va bien. Au niveau du froid, ça se passe ? Oh là là, non. Ouais, bah j'imagine bien. Bon, oh là vous inquiétez là, pas. Si vous imaginez là, vous comment je suis frigorifié. Mais non, vous inquiétez pas, dans 3 mois, c'est le retour du printemps. Oui, mais enfin, je sais pas si ça va suivre. Bah, si, bah si. Bon, allez, l'horoscope avec les béliers, Doudou. Oh là là, ne prenez pas d'engagement de sorte que rien ne puisse vous arriver aujourd'hui. Les taureaux. Si vous êtes pris entre deux feux, n'essayez pas de jouer les Saint-Bernard. Les gémeaux. Cette journée se passera calmement, presque de façon monotone. Les cancers. Au lieu de faire des points sportifs, vous devriez plutôt favoriser le sauna et le wellness. Les lions. Les lions, vos pensées sont déjà ce soir, alors évitez de vous surmener aujourd'hui. C'était dur celui-là. Hein. Oui, je suis d'accord. Ouais. Les vierges. Allez, cette journée n'est pas si mauvaise que ça. Les balances. Vous devez prêter plus d'attention à votre santé. Sans discrédit, non ? Non, pourquoi ? Il n'y a pas de discrédit dans la santé. Non, non, non, c'était pour savoir, le discrédit. Les scorpions. À cause du stress de ces derniers temps, vous perdez, votre patience pardon, a été mise à rude épreuve. Les sagittaires. Sortez de vos habitudes et planifiez quelque chose de fou. Les capricornes. Battez-vous avec détermination, le succès arrivera tout seul. Les verseaux. Vous avez de bonnes cartes pour les affaires financières et allez avec courage à vos rendez-vous. Et puis les poissons pour terminer. Accordez-vous aujourd'hui une pause et profitez de la soirée au sein de vos êtres chers. Très bien. Et bien à demain, Doudou. Bah oui, à demain. Bon, allez, la bonne journée hein, et bonne nuit. Hein. Bah oui, évidemment. Bon, bah tant mieux. Dans un instant, on parlera de Koh-Lanta, évidemment, sur Fun Radio. On aura la réponse aussi à notre invité mystère que nous cherchons toujours depuis tout à l'heure. Galérez un petit peu au niveau d'invité mystère quand même. Hein. Et c'est Avicii qu'on écoute maintenant. Levels sur Fun Radio, 9h17. Bonne matinée. Le professeur Green arrive dans un instant avec Read All About... Non, c'est quoi ? C'est Read All About It. C'est difficile. Merci pour ça, Mickaël. Mais c'est la fin je de la t'en prie, je t'en prie. C'est vrai que j'ai du mal avec l'anglais. Hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça peut arriver à tout le monde. Tout le monde n'est pas au top. Non, mais si au moins tu es doué en français, ça pourrait, tu vois. Bon, dis donc. Ah, Mais pas qu'il a des piges, lui. Non, mais attends, attends. Et surtout quand Julie, oui, qui rate toujours l'occasion de donner le bon mot, hein. Notamment tout à l'heure avec les bandes de circulation, là, les manches. Oui, j'ai dit qu'il y avait deux manches qui étaient obstruées. Deux manches qui étaient obstruées. Des manches. Et j'en passe, c'est des meilleurs. Mais c'est un mot que tu ne connais pas, mais on ça dit ça au langage spécial. Non, et on dans dit le langage de Julie, malheureusement. Parce qu'il est en train de monter un best-of. Hein. Ah oui, ça ne t'inquiète pas, tu vas voir du lourd bientôt, là. Voilà, je vous jure. Dans un instant, la réponse à notre invité mystère. Mais qui est notre invité mystère, justement ? Voici. Qu'est-ce qui se passe encore, là ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui lui arrive, Toff, là ? Il vient de débarquer dans le studio et qui a déjà foutu le sou, qu'il vient de renverser la chaise de Toff, qui j'espère ne s'est pas fait trop mal parce que pour l'instant il ne se relève pas. Hein, je tiens à signaler à tous. Il a voulu prendre Toff d'une manière très. Ça y est, ça bouge. Mais quel cinéma, mais quel cinéma. Oh là là là là là. Qu'est-ce qui s'est passé alors ? On est des comédiens professionnels. Ouais, c'est ça. N'essayez pas de reproduire ça chez vous. Ne reproduisez pas ça chez vous, effectivement, ça peut être dangereux. Bon, je disais donc que l'invité mystère, ce sont eux, en l'occurrence, il y en a deux. Ça s'en va et ça revient. Ça fait voilà, il y en a une. c'est une chanteuse de R&B français qu'on n'en entend plus trop parler pour l'instant. Hein. Elle a fait Comme un rock, exactement. Et puis l'autre, il est animateur, il est médecin, mais animateur aussi sur France 5 le midi avec sa femme, d'ailleurs, dans une émission médicale. Voilà. Si vous avez la bonne réponse, eh bien 63-22, bien évidemment, c'est 1€ le message. Déjà, bonne chance d'avance. Et puis, déception totale, vendredi, c'était la dernière de la... Tourista générale. Eh oui. Bah, ils ont eu la tourista, c'est pour ça. Hein. C'était la dernière de Koh-Lanta. Fini, donc, les dégustations de verre, les courses dans la boue, le riz pas cuit, etc. Dommage. On va devoir attendre encore un an. Bah ouais, ils sont tous revenus à Paris pour la grande finale. Et malheureusement, c'est Gérard qui a gagné. Non, je dis ça parce que c'était pas vraiment le plus méritant, mais ce sont les aventuriers qui ont décidé, et cette année il a eu GG, justement, souvenez-vous de lui. Tout le monde m'appelle GG MacGyver. Eh oui, GG MacGyver. Oui. Hein, c'était GG MacGyver. Et il n'est pas resté longtemps, malheureusement. Non, c'est dommage, moi je l'aimais bien, GG. Bah, ouais. C'était le vieux qui croyait que Koh-Lanta c'était l'aventure de sa vie. Il avait mais même. Il sait pas nager, tu vas pas à Koh-Lanta. Mais justement, il justement. Avait nager juste mais oui, il a appris à nager exprès pour pouvoir venir. Et même une fois éliminé, il en voulait encore. J'ai vraiment envie d'y retourner et je suis prêt à repartir dès demain matin s'il le faut. Hein. Bah oui, dès demain matin s'il le faut, évidemment. Mais comme on l'a expliqué, GG, tu as été éliminé. C'est vrai, c'est terminé. Mais bon, cela dit, il faut savoir aussi que c'était quand même GG le grand philosophe. Un bois, du moment que le bois est sec, il finit par brûler, même s'il est mouillé. C'est pas gênant. C'est pas gênant, GG. On a retenu ça, si jamais nous aussi. Bah oui, c'est évident. Bah oui, c'est évident. Et puis, le bois, il est sec, même mouillé, et il brûle. Bah oui. et tout le monde croyait que ce serait Théora, justement, qui allait gagner. Hein. Vous savez que ça a été difficile d'apprendre votre prénom. Hein. Théora, avec le R qui roule comme en Polynésie. J'imagine que ça fait chaud au cœur de les entendre comme ça. Vous déclamez des compliments et des explications sur votre légitimité en finale. Ah oui, bien sûr, je pense que ça se voit un peu sous mon sourire. C'est ouais, bah, ouais. Son sourire, voilà. Son sourire qu'il n'a pas gardé longtemps, son sourire, puisqu'il a perdu les 100 000 euros. Hein. Bah, ça fait mal. Ouais, tout ça parce qu'il n'a pas été dans la bonne équipe au départ. Ça fait quand même mal, le prix du bazar comme et ses 100 000 euros. Ça ne tient à rien. Et ouais, ça ne tient vraiment c'est à rien. Koh-Lanta, c'est comme ça. Le retour de Koh-Lanta, bien évidemment, ce sera l'année prochaine. On sera au taquet, bien sûr, hein, derrière tout ça, bien entendu. Bon, professeur Green, on écoute ça maintenant sur Fun Radio. Il est 9h28 sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde, c'est le 19 décembre dans un instant. C'est le self avec Walid aujourd'hui puisque Lucas est en vacances. Là ça y est, hein, il n'avait pas pris assez de congés. Hein. Oui, Walid qui est en pleine forme. Oh là là, il est au taquet du taquet. Jamais vu des yeux aussi petits de ma vie. Moi j'ai jamais vu autre chose d'aussi petit, mais. Ça c'est bon ça. Mais je vois pas, il y a une blague là derrière. Non, c'est pas. Une blague de mec, voilà, ça fait exactement les mecs. D'ailleurs regarde, hein, y a que les mecs ici. Hein, c'est... Ah d'accord, bah, j'ai pas à me plaindre à ce niveau-là, donc ça va, je me sens pas visé. Voilà. Bon. Dites-le en regardant. Ça va quand même. Ouais. Bon, il y a Mickaël qui est avec nous maintenant, 21 ans de Liège. Salut Mickaël. Salut. Comment ça va? Ça va super. Bon bah tant mieux. Tu as la réponse toi. Bah oui grave. Mm-hmm. Tu as la réponse à notre invité mystère. C'est celui-ci. Enfin c'est ceci. Alors Mickaël, quelle est la bonne réponse? C'était Nadia et Michel Simès. Et oui, Nadia et Michel Simès. Alors Nadia qui effectivement avait fait une chanson là comme un rock à l'époque. Depuis plus rien. Elle est vivante d'ailleurs encore ou pas? Elle vient de chanter donc oui. Non mais d'accord, enfin bon, elle était vivante, elle était morte aujourd'hui, Josiane. Non, je l'aurais annoncé, non, tout va bien. Ah bon, tu t'annonces les morts maintenant? Bah écoute, si, bah oui, la si, rubrique quand même. Nécrologique. Ah oui, psychologique. On en fera une d'ailleurs à la fin des infos dorénavant, okay, rubrique nécro. Ça peut être bon ça. Bon, Mickaël, donc bah bravo, hein, c'est effectivement Nadia et Michel Simès, les invités mystères. Bravo à toi, Mickaël, tu vas repartir avec les cadeaux comme promis, avec soit caméra vidéo numérique, soit l'écran plat, tu vas gérer ça évidemment avec Lobo Standard, d'accord? Bah passe une bonne journée, Mickaël. Aussi, ouais. À bientôt et puis garde cette patate. Hein. Garde la pêche, d'accord? La pêche. Allez, ça marche. Salut Mickaël, à bientôt. Bon, dans un instant, donc Walid qui va débarquer donc pour le self. Hein. Walid qui est en pleine forme, donc comme mais on ouais, le disait. Je suis en forme. Mais oui, et Lucas qui n'est pas là pendant 2 semaines, car bon, on lui a dit voilà, écoute, t'as des journées de congé encore à prendre. Ah bon? Donc du coup, bah voilà, donc on le force à être en congé. Oh, ça c'est beau pauvre. Quand même. Ah ouais, dure vie quand même, hein. Très très dure la vie. Et puis juste après, Jasmine évidemment, Pure Dance Floor jusqu'à 17h, Evan et toute la tribu qui sera là évidemment à partir aussi de 17h, et puis la libre antenne de Vince avec notamment Cathy, il y a l'abbé, il y a Nabil, tout le monde est là le soir à partir de 20h pour cette libre antenne. Passez une bonne journée. On salue également Julie, la bonne journée. La bonne journée à tous. Très bien, Toff et Lob également, la bonne journée. Bonne journée, oui. Et bah voilà, et puis nos stagiaires, nos grands stagiaires. Bien évidemment. Seb et Max les stagiaires. Voilà. Et puis Sandro aussi qui est venu, hein, qui était là au tout début de l'émission au mois d'août, puis après on l'a plus vu, puis après il revient. Il paraît qu'il a école entre temps. C'est ça, il faut quand même pas oublier qu'il est petit encore. Ce qui est bien, c'est qu'il est revenu aujourd'hui comme si de rien était, comme s'il était venu hier. Tu vois. Ça va, ouais, ça, je mets ça. Tu vois, comme si de rien n'était. Mais c'est bien. Il va travailler un peu, mais non, ça va le changer de l'école, tiens. Allez, on revient donc demain, nous, à partir de 6h. Passez une bonne journée, tout le monde. Ciao. Il vous manque déjà ? Mais c'est un cauchemar ! Pas de panique. Mickaël à la radio revient demain dès 6h. Préparez votre réveil. Fun Radio.